Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h, 21h30 pour débriefer ensemble l'actualité des Girondins de Bordeaux ce week-end. L'actualité a été marquée par la troisième défaite en 4 matchs des Marines Blancs. C'était sur la pelouse de Rennes, c'était hier à 17h, défaite 2 buts à 0. On va évidemment y consacrer une grande partie dans cette émission. Au programme également, on va faire déjà un petit premier bilan rapide au bout de, mine de rien, de déjà 10 matchs de compétition joués, si on compte les 6 en Europa League, les 4 en championnat. Donc on va faire un petit bilan sportif rapide de cette première partie de saison, on va dire, puisque c'est la trêve et qu'on ne rejouera pas avant le dimanche 16 face à Nîmes, si je dis pas de bêtises. On fera un petit point également sur les recrues, celles qu'on a pu voir jouer tout du moins. On parlera également de la probable, alors maintenant on va se méfier, on va mettre des guillemets partout, venue de Ricardo. D'ailleurs il y a du nouveau aujourd'hui, on vous en parlera dans quelques instants juste après le débrief de Rennes. Peut-être une rencontre entre Ricardo et ce soir entre Ricardo et ses futurs dirigeants, et ses dirigeants actuels plutôt, pour le laisser partir de, comment s'appelle ce club, Santos. Merci. Donc voilà, il y a du nouveau, on vous tiendra au courant, et puis voilà, ça nous amènera jusqu'à 9h30. On a aussi un invité. On aura un auditeur au téléphone, membre d'une section de supporters, Rémi, dont j'ai oublié le nom, tu me le diras. De Charente-Maritime. Voilà, qui était à Rennes dimanche, non, ainsi ça. Que toi-même, ouais. Qui était à Rennes également. Magnifique. Donc vous pourrez nous parler un petit peu plus en profondeur. Alors moi, j'ai pas vu le match, donc vous allez vous débrouiller à 3 plus 1 au téléphone. T'as le gars, est sympa. Un quart d'heure, et j'ai vu les deux buts, là, tout à l'heure, il y a 20 minutes en rentrant. Donc, t'as tout vu. Donc c'est pas, voilà, ça va pas être la folie. On vous rappelle que vendredi prochain, c'est-à-dire le 7, là, dans 4 jours, c'est la première de notre émission spéciale, une fois par mois, de 3h, de 21h à minuit pour la première. Oui, c'est ça, puisque devant le match, je reprends vendredi, 21h à minuit. C'est Girondin Analyse, version longue et version longue, ça sera déjà bien. Pour le reste, on verra vendredi. Alors, on va pas vous donner de suite. Ça a été annoncé ou pas, les invités? Non, ça peut être annoncé encore. Alors, on va attendre que ce soit annoncé officiellement. Voilà, émission de 3 heures. Évidemment, une partie de cette émission, on va dire un tiers de l'émission, sera consacrée évidemment aux Girondins, puisqu'on s'appelle quand même Girondin Analyse. Et les deux autres tiers de l'émission, on essaiera de vous faire... il n'y a pas que le foot à Bordeaux. Il y a d'autres choses, il y a d'autres sports, il y a d'autres... Pratiques. Des pratiques sportives, hein, on entend. Il y a du foot féminin, il y a les jeunes, il y a de l'e-sport, il y a du basket, il y a du rugby, il y a plein de choses. Il y a du hockey, il y a du curling bâton, du ring hockey, il y a plein de trucs. Du twirling bâton, oui, tu ne sais pas ce que c'est le twirling, c'est les majorettes, le twirling bâton. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est les gens qui font tourner les bâtons comme ça, c'est les majorettes. Tu vois bien faire ça en plus. Voilà, donc on essaiera de vous faire découvrir un petit peu une fois par mois pour décompresser un petit peu, puis parler d'autres choses tout le temps que de le repreneur et l'entraîneur et le machin et le truc. On essaiera de faire ça une fois par mois, à condition que vous nous suiviez évidemment, parce que si ça marche pas, hein. Si ça marche pas, ben on le fera une fois et puis après on verra. On le soumettra à notre commission de à notre comité de sélection des programmes, la direction artistique qui validera ou invalidera le projet. Ça sera suivant. Grosse réunion vendredi avant l'émission. Oui, je pense qu'on fera un gros brainstorming avec des post-it dédicaces à Marc, si tu nous écoutes. Alors, messieurs, nous allons accueillir également nos amis du chat qui sont en train d'arriver petit à petit. Bonsoir à vous, amis du chat. Vous pouvez réagir en direct, rejoindre le chat, vous allez sur la page girondin33.com, Girondin Analyse, écoutez l'émission et là vous cliquez sur le chat, vous vous inscrivez et vous débattez avec nous en direct. Mes camarades et moi-même, on voit vos messages dans le studio. Et aujourd'hui, à noter, vous évitez de réagir avec le hashtag DirectGA parce qu'on ne pourra pas le faire à l'antenne. Ah oui, parce qu'en fait, il y a des problèmes autour du studio. Donc, on a des perturbations. On est en train d'essayer de régler ça, mais c'est ça. Donc, pour l'instant, réagissez soit sur le chat, soit. Ou si vous réagissez sur DirectGA, vous étonnez pas que, que ça ne soit pas relayé parce qu'on a des petits problèmes d'internet. Ou alors, on est sur le téléphone. par téléphone. Ou par téléphone au 05 56 35 31 31. Évidemment, on vous rappelle un seul à la fois parce qu'on peut pas techniquement en prendre deux. Voilà. Donc si vous entendez, réserver votre place. Si vous entendez, voilà, qu'il y a un auditeur, pas de souci, vous nous appelez quand même, on décroche, on prend votre nom, votre numéro de téléphone et on vous dit quand nous rappeler. Dès que l'antenne est disponible avec moi ce soir, il y a Enzo. Salut Enzo. Salut, salut. Comment ça? Salut, salut, salut. Faudrait que je chope la voix de Flanders, mais j'y arrive pas encore. Je m'entraîne, mais j'y arrive pas. Comment ça va, mon petit bonhomme? Bah, ça va, ça pourrait aller mieux, hein, mais ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la rentrée? La rentrée, ça va, moi je rentre le 24, mais non, mais c'est l'actualité des Girondins. Et là, qui rentre le 2. Ouais, c'est ça. Ouh. Ah, l'actualité des Girondins, allez, oui, c'est vrai que bon, bah, le démarrage en championnat du moins est pas idéal, mais bon, ça contrebalance avec la qualif en Coupe d'Europe. J'ai envie de dire, vois-tu le verre à moitié plein ou à moitié vide? Bah, on aurait pu être éliminé en Coupe d'Europe et avoir 3 défaites en championnat, ça serait encore plus catastrophique. C'est clair. Adrien est là également. Bonsoir. Bonsoir Adrien. Adrien qui a encore 3 mois et demi de vacances. Non, c'est pas vrai, qui j'ai reprendra une semaine. Au mois de décembre. J'ai une semaine, je reprends le 10. Tu reprends le 10? Oui. Et tu reprends quoi en fait le 10? Eh bien, je me suis réorienté et je vais faire M1 de droit social. Voilà, pour virer tout le monde. M1 de droit social. Ouais, c'est alors ça. Concrètement, explique-nous. Bon, en gros, c'est ressources humaines. M1, c'est master. Ah, excuse-moi. Voilà. Oui. Et après, c'est pour devenir. Pour être dans les ressources humaines et être détesté par toute la boîte. Tu sais que ça, ce métier, tu vas te détester par la quasi-intégralité de la boîte, si ce n'est par ton patron. Mais non, mais il y a d'autres possibilités. Je négocierai. Je serai un fin négociateur. Voilà. Je prolongerai les gens inutiles. Ok. Et la boîte coulera. Mais personne n'aura été viré. On te souhaite bonne chance. En tout cas, on te le souhaite. Également avec nous, comment s'appelle-t-il? Rémi. C'est moi. On va tester le micro rouge, Enzo. Teste-le, on sait jamais. Des fois que ça marche. Allo. Voilà, parfait. Oh, refile le bleu à Adrien. Nickel. Oh là là, Rémi, miracle. Comment ça va, mon petit? Bah, ça va, depuis. C'était bien, Rennes. Ouais. Il y a le saucisse. Ouais, en fait, le mieux, c'est la route, mais c'est pas le match, en fait. Alors, c'est tout ce que tu fais. Même. Ouais, bien sûr, tu manges, tu bois. Après, tu vois un match de foot, tu rentres tes seins. C'est beau, il avait l'air de faire beau. Enfin, le peu d'images que j'ai vu, il avait l'air de faire beau, ça va. Ça c'est très beau, c'est nickel. Voilà. Bon, après, il y a du foot, quoi. Il aurait pu manquer que la victoire, il en était pas mal. Ouais, c'est ça. Messieurs, on va écouter. Je vous préviens, je suis malade. Il est en pleine forme. Il est au top. Ouais, de non, sa là, forme. Je suis vraiment pas bien depuis ce matin, donc ça va être très long, je pense, aujourd'hui. On accueille donc avec nous, pour attaquer ce débrief de Rennes-Bordeaux, au téléphone, c'est Franck. Salut Franck! Ouais, bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Comment ça va, Franck? Bah, ça va très bien, ça va très bien. Retour du déplacement de Rennes, un peu difficile, mais bon, ça va très bien. Parce que la route était longue ou parce que la défaite était longue? Surtout le match, hein, on va dire. Hein. La route, nous, on a l'habitude, mais le match, voilà, quoi, hein, on va pas trop en parler. Ah bah si, on quand a même. Aussi, ah bah si, quand même. Alors, Rémi, présente-nous Franck rapidement quand même pour Franck, petite section de Charente-Maritime. Voilà, DCM 97, voilà. Donc existe, comme vous l'avez entendu, depuis une vingtaine d'années. Ça consiste à regrouper les supporters bordelais de Charente-Maritime. Voilà. Bon, ça va, il y en a quand même. Hein, il y en a, heureusement. qui a organisé les déplacements des Girondins de Bordeaux pour les Girondins de Bordeaux à l'extérieur, aussi bien, et puis à domicile aussi. Donc, tant qu'à faire, tant qu'on y est, s'il y a des gens qui nous écoutent et via Internet et qui sont, on va dire, entre les Charentes et jusqu'à où vous remontez à peu près, jusqu'en dessous de la Vendée? Nous, on a quand même des adhérents qui sont limitrophes au département. Donc, après, ça englobe plusieurs... même les départements limitrophes, hein, la Vendée, les Deux-Sèvres, même de Bordeaux. Donc si vous habitez dans ce coin-là et que vous voulez suivre les Girondins de Bordeaux à l'extérieur, eh ben, vous pouvez contacter. Alors Franck, je suppose que comment on peut vous contacter? Vous avez une page Facebook? On a aussi bien le compte Facebook, hein, le compte Twitter. Ouais. Hein, si nous sommes référencés sur le site des Girondins de Bordeaux, hein, comme association officielle. D'accord, donc c'est marqué aussi. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais, ok, non, il n'y a pas de souci si ça peut te permettre de récupérer quelques adhérents. Tout à fait. Et puis voilà, il y a peut-être des gens qui sont isolés, peut-être dans une ville ou dans un village. Et qui peuvent te non, mais qui. Tu sais, tout le monde n'est pas forcément au courant qu'il y a peut-être une section de supporters dans sa région, donc c'est toujours bon de le savoir. Alors, messieurs, je vais vous laisser beaucoup parler vu que j'ai pas vu le match, ou très peu, enfin j'ai vu un quart d'heure de la deuxième mi-temps. Je vais vous juste quand même vous donner mon avis. Si je me fie au stade de la Ligue, qui sont que Bordeaux a eu la possession, Bordeaux a tiré deux fois moins quasiment que Rennes, Bordeaux a cadré une seule frappe, donc autant vous dire que c'est compliqué de gagner un match. Ah, et en plus à la 92e ouais, dans les arrêts de jeu, donc c'est compliqué. J'ai pas vu le match, donc je vais vous laisser, voilà, je vais vous laisser libre choix. On n'oublie pas qu'il y aura les deux sondages de Enzo pour le bid et le bondrol, c'est ça. Tu me laisses le temps de les trouver avec la connexion là. Ah, merde, c'est vrai. Bon, si, en train de ramer là. Si Enzo les trouve. Bah tiens, alors Franck, on va commencer par toi. Ce match-là, de ce que j'ai compris, on s'est fait marcher dessus, on va dire une bonne partie de la première mi-temps. On a pris deux buts. C'était catastrophique même. Et après, début de match, catastrophique, même. Il y avait rien du tout. Les gars, enchaînez, je ne l'ai pas vu moi le match, donc comptez pas sur moi pour relancer, j'ai pas vu le match. Donc, En fait, il a tout dit. Non, mais je vais laisser Enzo parler après, mais c'est juste pour remercier Anonymous69. Salut à toi, Anonymous. Qui passe un super message sur le chat. Voilà. Merci. On espère qu'un jour tu sois supporter des Girondins, mais merci beaucoup. Il nous dit je suis pas supporter des Girondins, simplement pour vous dire que j'ai découvert votre émission la semaine dernière et je l'ai trouvée passionnante. Mention spéciale à Thibaut, que l'on salut, que je lis sur Twitter, notre collègue et ami, et qui donne une excellente image de votre club. Bonne émission. Ben écoute, merci à toi, Anonymous69. Je pense qu'il doit être du... 69. Pas loin de Lyon, oui, voilà, je pense. Ou alors il a 69 ans. Ou alors il a bloqué. Ou alors ça m'a obsédé. Mais ça vient à toi. Moi, c'est plus merci. Une question que j'ai pour toi, Franck. C'est quoi, aujourd'hui, le lien qu'il y a entre les DCM et les Ultramarines? Ah oui, direct. Alors, le lien, il n'y en a pas beaucoup. Question chaude dès le début. Ouais, non. Non, mais c'est juste pour savoir. Nous, on n'est pas association section ultramarine, tout simplement. Vous ne vous considérez pas comme des ultramarines au sens propre? Enfin, comme des ultras au sens propre. La même chose, on pratique la même chose. Oui. Mais après, disons qu'à la base, DCM, c'est une section de Vils. Jusqu'à l'arrêt de Vils. Après ça continue sous le nom de DCM 97, hein, tout simplement. Et après, au niveau des ultramarines, on a très peu de liens avec eux. Hein. Juste avant qu'on repasse sur le match, combien de membres? Je t'ai pas demandé. Là, ce jour, nous, on est une vingtaine d'adhérents. Oui, pas mal. Après, il y a autant de sympathisants. Oui, donc ça fait, allez, en gros, en élargissant un petit peu, ça fait une cinquantaine, quoi. Un petit peu moins. Un petit peu moins, plus de quarantaine. Mais t'inquiète, ça va. Et avec un bon petit groupe au niveau des adhérents qui nous permettent de nous déplacer un peu partout. Oh, et puis en Charente, il y a pas. Enfin, je veux dire, les deux clubs les plus près, c'est Nantes et Bordeaux. Il n'y a pas trop de concurrence en termes de. Ouais, des Marseillais, il y en a pas partout. Puis des Parisiens. Oui, non, mais après, ça, évidemment, il y en a partout. Mais... Je veux dire, le mec qui habite en Charente, il veut aller voir un club de football, il veut aller voir un match de Ligue 1. Ouais, il y a des destinations. Soit il fait Bordeaux, soit il fait Nantes. Après, autour de lui, c'est sinistré. Hein. Donc, après, c'est un peu... Nantes, ils sont en Ligue 1, Nantes. Oh, c'est minable. Oh, bah, c'est moche. Virez-le, putain. Ouais, mais ils ont gagné leur premier match ce week-end, d'ailleurs. Ils sont comme nous, qu'ils ont une victoire. Ils ont une victoire, comme nous, effectivement. Donc, pour continuer sur... Pour revenir sur le match, oui. Sur ce match de Rennes, est-ce que Bordeaux ne paye pas ses 9 premiers matchs? Bordeaux, l'équipe qui a joué le plus de matchs, évidemment, puisqu'on a commencé avant tout le monde. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de... dernier match avant la trêve? T'es un peu carbo, tout le monde est un petit peu cramé, Bédoué fait pas trop tourner de ce que j'ai compris. Bah, ouais. Problème, hein. Bédoué, je pense que Bédoué aurait dû faire tourner au moins 2-3 joueurs minimum. Hein. Moi je pense que voilà, c'est pas. De 11 en 3 jours, même si la Gantoise ça l'a fait, face à Rennes, il aurait dû au moins avoir 2-3 joueurs qu'on aurait dû tourner. Hein. Oui, il y a juste Sankaré qui a joué à la place de Tchouaméni, mais voilà. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas forcément que le fait d'avoir joué plein de matchs. Je pense que la rotation n'a pas été non plus top, mais aussi on paye le fait aussi de ne pas avoir d'entraîneur. Enfin, Bedouin, il est là pour défendre le groupe et pour... Donc sachant qu'il veut faire défendre le groupe, ben, on se coltine encore des Plasil, des Lauragueur, des Sankaré, alors qu'on aimerait, enfin je pense que c'est le cas de tout le monde, on aimerait voir des Basic, on aimerait voir des... Ben, après, des les protège quoi, après. Et les moi, je suis joué un Basic, hein, tout à fait, de le mettre à la place de Plasil. Ben voilà, moi j'ai pas compris, Basic apparemment a joué 17 minutes, il a joué 15 minutes, 17 minutes en fin de match. Je me dis, bon, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire démarrer pour lui donner un peu de temps de travail? Ottavio, t'as oublié. C'est sûr pas, hein, parce qu'il a été, il est arrivé récemment, s'il s'est bien intégré, il y a tout un... Oui, il y a ça aussi. Alors, on va en parler tout de suite, comme ça c'est réglé. Il y a quand même aussi un autre point noir sur ce match-là, c'est la blessure de Pablo à la 19e minute remplacé par Igor Luchuk. Et on évoque apparemment une absence de 6 semaines, sachant qu'il y a 10 jours de trêve. Bon allez, on va dire que c'est 4 semaines. Pendant un mois, il n'est pas là. Voilà, on va dire que c'est pendant un mois complet. Alors, encore une fois, hein, aux adducteurs, c'est le point noir quand même de Pablo depuis qu'il est à Bordeaux, c'est les adducteurs. Mais ça fait beaucoup quand même. Oui. Ce qui est très drôle, c'est que il se blesse sur quoi ? Sur que j'ai pas sur vu sur une action tout seul. Oui, oui. Ah, j'ai pas vu non plus. Sur une action défensive, il essaye de couvrir et il se claque. Oui. Mais ce qui est incroyable, c'est que depuis qu'on a prêté Bass, ben on a que des pépins en défense. Je veux dire, pendant 6 mois, il y a eu aucun problème. C'est le karma. On prête Bass, mais bim. Adrien, je l'ai dit tout à l'heure à Enzo et avant que tu arrives, je dis, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a 3 semaines. Quand Bass s'en va, je vous dis, je trouve que c'est une bêtise énorme parce que ce qui lui est arrivé l'an dernier, à savoir je rentre, je joue, je me fais expulser 2 matchs et on me pique la place, ça pouvait lui arriver dans l'autre sens. Je dis, si t'as Koundé ou Pablo qui se blesse, il aurait pu justement profiter de dire voilà, il y a un blessé, je vais pouvoir m'imposer. Et c'est dommage que, bon, après voilà, s'il joue à Caen, il est content à Caen, c'est très bien. Celui qui a fait ce choix, il est parti 3 jours après. Oui, non, mais c'est ça en plus. Aussi. En plus, il attendait une semaine et au pire, allez, il partait en décembre. Mais après, il y avait pas... et après, c'est pas forcément que le souci Payet, hein, parce que non, quand on le laisse partir, ça, c'est pas. Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas, mais ce qui me dérange, c'est de pas le remplacer. Le problème, c'est que c'est un prêt. C'est non mais attendez. Alors, Bordeaux a été si mauvais que ça qu'il n'y a rien à dire sur ce match-là. Si. Non mais En fait, pour résumer le match, enfin, moi je veux bien. On a passé 20h18, oui, bien sûr. Pour résumer le match, après je sais pas ce que vous en pensez, Franck aussi. Pour moi, le match, ça a été 30 minutes catastrophiques et après le reste du match, ça a été un match, de Ligue 1, un Bordeaux-Rennes quoi. Un match de Ligue 1, mais sans occasion, sans rien, où eux, ils faisaient que défendre, nous, on n'attaquait pas forcément. Donc un match très fermé. Après, je pense que pour moi, il y a eu 60 minutes comme ça et 30 minutes où on était catastrophique en début de match. Je vois les stats des gardiens, je vois le gardien Rennes, 2 arrêts. Costil, 6, alors 2 arrêts, 4 détournés, donc 6 parades. Ouais, mais 2 arrêts, tu verrais, les arrêts de Koubek. J'en ai vu un, même toi, tu les sur la arrêtés, frappe, hein. Une occasion où on prend un bouillon de fou, il y a un jeu à 1, 2, 3, 4, ça finit par une frappe dans la qui sort, j'ai vu que ça. Voilà, ouais, les amis, le bouillon là, quand même. Mais non, on a fait. Après, il faut rendre à Rennes ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont fait un très but début de match. Très malheureusement. Bon. On prend 2 buts sur corner. Ça veut dire qu'on avait résisté dans le jeu et puis on prend 2 buts sur corner. Où le marquage est totalement absent. Ce qui n'était pas tellement notre point faible jusqu'à présent. Mais c'est des choses. Après, sur ce match, les Ragas perdent un ballon dans l'axe bêtement. Enfin, c'est un peu comme la seconde mi-temps contre Toulouse. Non, après, c'est dans les têtes. Ça veut dire que les joueurs, c'est pas forcément Adrien, que physique. Ok, d'accord, le physique, les têtes. Mais j'ai revu les buts. Je ne les avais pas vus, je les ai vus il y a un quart d'heure avant le début de l'émission. Je suis désolé, les 2 buts qu'on prend. L'accumulation des matchs ne m'explique pas, surtout à la 19e minute, ne m'explique pas que tu lâches le marquage à 5 mètres de tes buts. Voilà. Quand je dis c'est dans les têtes, c'est la déconcentration. C'est que c'est des erreurs que tu fais parce que t'es plus aussi concentré vu que tu fais un match tous les 3 jours. Surtout que là, après, c'est pas des excuses qu'il faut se trouver, mais c'est de l'apprentissage. C'est la première fois que ce groupe joue tous les 3 jours. Et il faut apprendre à se reconcentrer directement, alors que là, tu sors d'un 9e match où c'était ton objectif. Enfin, t'es soulagé et puis tu joues n'importe quoi. Alors, c'est le problème de ne pas avoir fait tourner. Ça veut dire que c'est des joueurs qui n'étaient pas forcément à plein badin dedans. Quand je parle de Pungé, de Leraguer... C'est Plazil. Moi je pense à la boulette que fait Leraguer et Pungé sur les deux marquages, voire Koundé. Enfin, sur le deuxième but, c'est une catastrophe. Hein. Il y a 2 joueurs qui peuvent le prendre, il n'y en a aucun qui fait. Tout seul à 4 mètres du but, le type. Et il y a 3 joueurs qui se gênent. Bah, je sais pas. Mais. Ouais, non, mais c'est le spectacle pendant 5 minutes. Ouais, c'est... Mais Rennes a été très bon aussi. Ça veut dire que la différence, on l'a vu. Hein. On fait un début de match équivalent à celui qu'on fait à Toulouse. Sauf que Toulouse est pas efficace et moins bon dans le jeu que Rennes. Et Rennes a réussi à pousser et fait une très grosse partie de match. Et puis derrière, le problème, c'est que tes attaquants. Ils ont, au bout de la deuxième mi-temps, ils n'ont plus rien dans les chaussettes. C'est-à-dire que Kalou et Camano, soit ils faisaient les mauvais choix, soit ils n'arrivaient pas à faire la différence. Donc Franck, tu aurais espéré peut-être avoir un peu plus de fraîcheur devant, notamment, je pense. Parce qu'apparemment, de ce que me disent mes collègues, c'est ce qu'il a manqué aussi un petit peu. De toute façon, c'est tout est bien résumé. Là, hein. Après, plus de fraîcheur, mettre qui? C'est la question. Il y avait qui sur le banc dans Préville, les infos De Préville, on va pas parler. Il y avait Poussin, Levchuk, Otavio, Tchouameni, Basil, Choustouf, De Préville. Ah oui, c'est vrai que ton seul joueur offensif, parce que Zaïdou, je le compte pas comme un joueur offensif. C'est monsieur De Préville. Au mieux, c'est un milieu de terrain. C'est-à-dire que ton seul joueur offensif, c'est De Préville. Moi, il y a un truc qui m'a un petit peu aussi étonné du quart d'heure que j'ai vu. C'est le quart d'heure où rentre Nicolas De Préville. La confiance de De Préville, on peut pas espérer grand-chose. Non, mais ouais, mais quand t'es mené 2-0. De Préville rentre à la 64e. Je veux dire, il reste encore 30 minutes. 30 minutes, c'est beaucoup en football. Il peut se passer plein de choses. Pourquoi tu sors pourquoi tu tentes pas de mettre les deux en même temps devant? Pourquoi tu sors? Tu fais du poste pour poste. Tant qu'à faire. Je veux dire, foutu pour foutu, tente quelque chose. Parce qu'il était cramé. Ouais, puis bien joué. Après, si Briand dit, coach, je suis cramé, je suis bouilli, j'en peux plus. Il était un peu déçu de sortir. Ok, mais moi, franchement, quand je le vois sortir, oui. Jimmy Briand, c'est que j'ai pensé exactement à ça. Je l'ai vu un peu limite. Tu vois, merde, quoi. Mais on a eu l'impression que Bédoué aussi, en ne se faisant pas trop tourner, en gardant au milieu ce plat. Les Ragers, qui est une base, on l'aime ou on l'aime pas, mais sur ces 10 matchs, ça a été la base. Pense à protéger le groupe, à pas prendre trop de risques, quitte à faire tourner. Et du coup, le souci, c'est que ton joueur qui doit faire la différence au milieu, et s'il y a un souci, c'est Sankaré. Sankaré te fait un match catastrophique. Mais moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, ce qui m'a surtout attristé, c'est quand j'ai vu le 11 de Rennes, que ce soit le 11 ou les remplaçants. Ou même Ben Arfa qui était en tribune, je me suis dit Ben Arfa, ça a été une piste. Enfin, que soit sérieux ou que soit pas sérieux, Ben Arfa est une piste. Grenier une piste. Mbagnon ça a été une piste. L'année dernière, de la Fasako, c'était une piste. Et en fait, un club comme Rennes arrive à les attirer et pas nous. Ouais, alors méfiez-vous, ça, parce que j'ai pensé hier, le combo Ben Arfa Mbagnon, les enfants, si ça se passe mal, ils te leur font péter le vestiaire. Rennes arrive à les attirer, mais c'est vrai, mais aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. En plus, on ne sait pas encore le projet des Américains et tout ça, mais à l'heure actuelle, au niveau des finances, au niveau de la structure, au niveau du nouveau président qu'ils ont eu, hein, on ne peut pas comparer Stéphane Martin à Olivier Létang. Surtout que quand tu regardes, leur investisseur, c'est un des hommes les plus riches de France. Ouais, puis il est comme assez radin. Quoi. Donc, quand ils veulent mettre de l'argent, ils peuvent. Pinot, il a du lourd. Pour revenir à ça, Franck, si tu as un joueur à sortir en top et en flop. Sur le match d'hier. Sur le match d'hier, oui. Tu veux les avoir? Ah bah, en flop, vraiment Plasil, hein, Plasil ça a été dur. Plasil, il était cramé sur tout le match, hein, du début à la fin, hein, bon, un peu, comme beaucoup d'autres, mais Plasil, il peut pas jouer vraiment tous les trois jours. Là. Tu penses alors En top, il n'y en a pas un seul à dire. Hein. Costil peut-être sur le match qu'il fait. Il a quand même pu faire quelques arrêts, heureusement, mais bon. Et Koundé, en seconde mi-temps, Koundé il était bon, mais. Après, t'es tout seul après, donc. Ouais. J'entendais que Plasil a été le joueur le plus. Je crois que le joueur qui a joué le plus de matchs. Avec peut-être juste Costil et peut-être Koundé encore. Non, c'est Pungé. Ouais, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même quand un de tes top 3 joueurs qui ont joué le plus de matchs depuis le début de saison, c'est un mec qui a 38 ans, quoi. Au bout d'un moment, tu l'amènes un peu peut-être à l'abattoir aussi. Tu vas loin. 36. Bah, 36. Quoi. Mais 36. Bon, enfin, quand même. Allez, je l'ai 36, je les ai. Hein. À un an près, je les ai. Mais t'as pas la même forme physique. Hein. J'ai pas la même forme. On va pas se mentir. Et du coup, c'est plus compliqué. Pour revenir à ce que disait Franck. Alors, on veut commencer parce que le bon drôle, j'ai pas de jingle. Mais c'est à toi de voir en fait. Donc, on a posé les questions en fait sur les réseaux sociaux, donc pour savoir quel était votre top et votre flop. Allez, commence par le top. Bah, tu l'as, le top? Oui, je l'ai bien sûr. Bah, vas-y. Alors, comme d'habitude, on s'est mis nos top et nos flops sur notre groupe privé. Donc, on en a ressorti 3. On a sorti Costil, Palencia et Koundé. Donc, je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais celui qui est ressorti en priorité, c'est Costil avec 43%, Koundé 28% et Palencia 25%. Bah, de ce que vous me dites, ouais, c'est ça, c'est je pense que quand ton meilleur joueur c'est ton gardien, c'est triste. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, ton match a été pourri. Ça quoi. Prouve que t'es un bon gardien, mais tu t'es pêché déjà. Déjà, c'est une chose que beaucoup remettent en cause, donc c'est déjà pas mal que sur ce match il prouve qu'il fait, il a le niveau. Oui, alors mais pas que sur ce match, il prouve quand même depuis quelques matchs qu'il est quand même. De toute façon, l'année dernière, on a beau critiquer cette saison, mais. L'année dernière, quand il arrive, il fait un début de saison qui n'est pas forcément top. Et, puis, non, et après, au fur et à mesure, pas bon, mais c'est après, ça. Et après, retour, d'un coup, il est top. Là, il a mis moins de temps. Il a mis peut-être, on va dire, un mois pour s'y mettre. Mais maintenant, enfin, c'est vraiment le pilier de notre équipe. Et encore, il a mis un mois pour s'y mettre. Mais finalement, il se prend deux buts. Mais deux buts où le mec est tout seul de la tête à 4 mètres du but. Tu veux lui dire quoi Non, mais pas sur ce match, mais sur le début de la saison, il y a deux buts où il est incriminable. Enfin, non, un juste. La boulette à Toulouse, à et après il y a le dégagement, mais ce dégagement encore une fois après c'est une question de débat, Pablo aurait pu et on va pas le faire Adrien, mais il faut pas s'enflammer sur Cossil, il faut savoir que c'est un bon gardien et aussi un peu pousser un coup de gueule quand tu as un Bordelais pour une fois en équipe de France. Oui, il est pas content. Non, mais t'as un Bordelais pour une fois en équipe de France et la plupart leur action c'est pas mérité. Oui, non, mais ça, c'est voilà. C'est, au bout d'un moment, sois content. Il y a eu des fois où des Bordelais n'y étaient pas et c'est, normalement, ils auraient dû. Ça s'appelle dû la mauvaise foi, Adrien. Tu apprendras ce que c'est quand tu passeras à la fac. Oui, mais c'est problématique. Maintenant, tu tires dans ton propre camp. Quoi. Quand tu seras à la fac, tu Fifi 17 nous dit Kalou très fort jeudi et beaucoup moins hier. On en a beaucoup parlé. Kalou, tout seul quand même. Jeudi, tout seul. Après, Kalou, comme on en a entendu souvent parler dans c'était Football Skiot qui en avait parlé quand il était venu à l'antenne. Kalou, c'est un joueur, on en a parlé en tant que joueur ayant beaucoup de blancs dans la saison. C'est-à-dire, il peut être très bon dans un match et le match d'après être moyen. À l'image donc de son équipe aussi, peut-être. Ouais, et puis là, voilà. Contre Rennes, il était vraiment tout seul. Sip nous dit Kalou s'est mis au niveau des autres sur ce. Alors, s'est mis au niveau involontairement. Je pense qu'il n'a pas dit tiens, ils sont nuls, je vais me mettre nul. Mais ça serait fort quand même. Il a, ouais. Rapidement, Franck, enfin, rapidement, ou pas rapidement même. Oui. Sur le match de Kalou qu'on avait vu très bon contre Monaco, en feu contre la Gantoise. Ouais, et peut-être, du coup, il a peut-être aussi accusé un peu le coup hier. Comme, de toute façon tout c'est un ensemble, hein, toute l'équipe ne fonctionnait pas. Après c'est difficile qu'un joueur puisse briller de son côté. Hein. Non, donc on est d'accord. Enfin on est d'accord. Ça fait que 4 matchs, mais est-ce que Kalou peut être à l'instar de ce qu'était peut-être un peu un Malcolm, le joueur qui, même si Malcolm le faisait pas tout le temps, quand l'équipe sombrait, des fois Malcolm sombrait, mais il y avait certains matchs où justement, ben, quand l'équipe est moins bien, tu peux t'en remettre à une ou deux individualités qui te sauvent un peu le truc. Tu vois ce là, que je veux dire? C'est un duo, je pense. Ouais. Kalou Kamano, ah bah, pour l'instant, c'est ce duo-là. Plutôt que l'avenir, ça peut être un duo qui peut très bien fonctionner. Hein. Oui, oui. Franck, est-ce que, puis vous aussi, messieurs, est-ce qu'ils ont refait hier, alors ce que je les avais beaucoup vu faire contre Monaco et contre la Gantois, c'est-à-dire que beaucoup. Transversal. Non, beaucoup changé. Passer un à gauche, un à droite pendant le match contre la Gantoise, je les ai vus souvent passer un à gauche, un à droite. Mais t'avais pas que les deux, t'avais même, ce que j'ai remarqué depuis le début de la saison, t'as aussi Briand aussi qui va pas mal des fois sur les côtés sur certaines attaques et qui laisse libre champ à Kalou ou Kamano dans l'axe aussi. Briand, on dira qu'il a pas fait un énorme match, mais il a une qualité énorme. C'est pas forcément son rôle quand t'es attaquant de pointe. Mais quand il redescend des fois pour permettre au bloc de remonter ou de toucher le ballon plus haut, quelle qualité il a. Alors le problème, et hier on l'a vu, et quand t'es plus fatigué, ça peut t'aider, c'est que t'avais Briand devant. Donc si tu veux balancer un long ballon pour dire bon, on monte le bloc, ben t'as personne. Donc bon, on a Cornelius qu'on a recruté. Mais c'est un profil qui nous manque. Ils étaient qualifiés, Cornelius et Caron? Si, ils étaient qualifiés. Moi, j'ai entendu qu'ils l'étaient. Ils étaient qualifiés, mais c'est Bedoué apparemment qui n'aurait pas voulu pour être dans la continuité du match. Bon. Après le top, messieurs, on va passer au flop. Et là, pour le coup, il y a un jingle. C'est tout ce qu'il ne faut pas avoir sur un terrain de foot. C'est nul. Nul. Alors, magnifique. Oui, c'était surtout un peu fort. dire que c'était nul, pourquoi pas, Adrien, qui était en course pour le flop du match? Alors, il y en avait trois. Le bide. Pungé, Plasil et les Raggers, et après autres, voilà. Et le premier, c'est Plasil, avec 55%, suivi de Pungé, 27%, et les Raggers, 12%. Enfin voilà, notamment le fait qu'on voit Plasil et les Raggers, ben c'est souvent eux qui sont ta base de ton équipe, et si ça marche pas, ben c'est de leur faute. Donc, Hier, Bordeaux perd le match au milieu de terrain. Non, il perd le match, on perd le match partout. Ouais, partout. On peut jouer au point de corner, on perdait le match. Hein, je te l'annonce. Hein. On était mauvais sur de jouer côté. Côté de Rennes était monstrueux. Le seul truc qu'on avait hier, c'est qu'on n'arrivait pas à faire 3-4 passes sans perdre le ballon. En fait, c'était deux passes, trois passes, ça perd. Franck et Rémi, je parle alors à vous spécifiquement parce que vous étiez au stade et je sais qu'on n'a pas les mêmes ressentis au stade que derrière sa télé. Mais on sentait vraiment Déjà, j'avais l'impression qu'il n'y avait que les Bordelais. Alors, au niveau d'ambiance, ça m'a choqué. Niveau ambiance, moi, du quart d'heure que j'ai regardé, franchement, vous les avez mis minables. Après, je ne sais pas s'il y avait un micro exprès qui était trop. Au départ, au niveau du tifo, il y a eu grosse ambiance. Hein, mais Ah ouais, mais même pendant le match, franchement. Ouais, surtout quand on voit leur tifo dégueulasse. Ils ont fait un truc. Hein, écraser avec un Hulk. Je pense que. Pourtant, d'habitude, ils font des trucs pas mal. Oui, mais ils sont fans de films. Ouais, voilà, je pense qu'ils doivent avoir un. Netflix doit marcher. Avec Marvel ou quelque chose comme ça pour faire toujours leur truc avec. Dark Vador. Dark Vador, avec. Celui qu'ils avaient fait sur Star Wars avec Yoda et trucs, c'était du sale. C'était du sale, mais il n'y avait aucun rapport. Comment ça, il n'y avait aucun rapport? Il n'y avait pas grand chose de rapport, quoi. Il est dans sa jalousie. Yoda n'est pas rené. Yoda n'est pas rené. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on sentait au stade qu'il y avait aucun. Fois qu'on pouvait jouer jusqu'à demain matin, il se passera rien. Quoi. Oh bah on pouvait même jouer toute la semaine. Tant qu'à faire, on pouvait jouer toute la semaine. Je pense qu'on est, nous, on aurait fait plus de bruit qu'eux. Et je suis persuadé qu'en plus, Bedouin n'aurait pas fait de changement. Brian, première 30 minutes, il commence à marcher. Il en regardait plus souvent. Il a dû se dire le match va être très très long. Et là, tu as senti que le match va être très très long. Mais surtout au bout de 20 minutes, tu as deux buts et un blessé. Un dernier petit point, un joueur dont on n'a pas encore parlé avant de passer, parce qu'on a un autre auditeur après, je crois, Enzo, c'est ça, au téléphone. Donc un dernier petit point, un joueur dont on n'a pas parlé, ou très peu, il a joué 17 minutes hier, il est rentré, c'était sa deuxième apparition sous le maillot bordelais, c'est Bazic. Alors moi, pareil, du quart d'heure que j'ai vu, je l'ai vu assez engagé, on va dire. Il a envoyé 2-3 cartouches. Bah après, il rentre à 2-0. Il rentre à 2-0. Bon, ça a été compliqué. Après, ça viendra avec le temps. Et déjà qu'il s'habitue au groupe et tout ça. Il y a certaines passes où il aurait pu le faire un peu plus tôt. On voit les qualités, ce qui est là où il pourrait être bon et tout ça. Mais on voit aussi qu'il faut qu'il soit en confiance. Et là, il n'était pas en confiance. Donc après, il n'a pas joué vraiment à son poste. Il a joué numéro 10, hein, quasiment, quand il est rentré. Oui, 10, ah, il est rentré. Il a perdu certains ballons, mais on ne peut pas l'incriminer sur ce match. Ça veut dire que tu rentres au mauvais moment. Je pense qu'il n'était pas encore tout à fait prêt à rentrer en tant que remplaçant et devoir être décisif. Ça veut dire que quand tu rentres titulaire, c'est plus facile. Rarement, les matchs commencent tambour battant, donc tu peux t'y mettre petit à petit. Oui, on l'a vu hier. Non, mais rarement, mais hier. Sinon, c'était peut-être un peu trop tôt et un peu l'envoyer au casse-pipe. Franck, avant de se quitter, quelque chose dont tu aurais voulu parler et donc qu'on n'a pas abordé? Ton avis aussi sur les recrues? Ton avis peut-être sur les recrues que tu as vues depuis 2-3 matchs? Ouais, sur les recrues, Calou, on sent que ça va faire, que Sergi Palencia, il est pas mal aussi, hein, il promet. Comme vous l'avez expliqué, on n'a pas trop pu avoir l'occasion de le voir, donc ça reste encore à voir ça, mais après Cornelius et puis bon, tout ça ça arrive au dernier moment comme d'habitude, hein, avec les mercato girondins, les dernières recrues, on verra bien ce que ça donne par la suite. Bah, contre Nîmes, maintenant faut que tout ça s'apprenne, hein, ça va prendre quelques temps encore. Ah oui, ça va pas se faire tout ça. Ah, non, mais ça c'est sûr, si les gens croient que parce qu'on a pris deux recrues et un coach. C'est parti là, enfin bon. Bon. Non mais c'est clair. Ou alors à moins que Ricardo soit un magicien, mais ce dont je ne crois absolument pas. Déjà, il y a une semaine de vacances. Oui, mais tu vas faire quoi avec Ricardo une semaine encore, hein. T'as le Rager qui va partir, t'as Costil qui va partir, t'as Sabali qui va partir, t'as Sankaré qui va partir. À noter aussi que Bedoué veut faire le programme qui était prévu de base avec du temps de Poyet. Poyet, en fait, voulait, enfin, du coup, il y a Bedoué qui veut faire pareil. Pendant les 10 jours de trêve, en fait, il va y avoir plus 10 jours de récupération en fait, que d'entraînement. parce qu'ils ont commencé aussi leur saison plus tôt. Ils peuvent se comprendre. Oui. Et ils n'avaient pas parlé d'une semaine de vacances. Faut quand même se dire. C'est une semaine de vacances, mais au haillant et tout ça, mais sans ballon. Il faut quand même se dire, les enfants, que comparé à ne serait-ce que notre adversaire d'hier, le Stade Rennais, alors on va pas pleurer, on va pas chouiner, mais je pense que quand tu as 6 matchs de plus qu'un adversaire au moment du coup d'envoi, avec la prépa physique, le machin, je pense que ça peut, à un moment donné, ça peut poser. Donc la trêve, elle fera pas de mal. Franck, merci beaucoup. On rappelle donc que les gens peuvent rejoindre ta section de supporters en Charente. Sur les réseaux sociaux aussi. Sur les réseaux sociaux, évidemment. Facebook, Twitter, tout à fait. Principalement, on met régulièrement toutes les infos nécessaires pour les déplacements, hein, que ce soit bien à Bordeaux ou à l'extérieur. Puis de toute façon, là, même dans 15 jours, on organise le déplacement pour Prague également. Ah ben voilà, première. C'est pour ça, n'hésitez pas à chaque fois à nous notifier sur. On espère faire le minibus. Ça va être bien. Ça t'a un beau road trip, ça, quand même. Quelques heures de route, mais bon. Oui, ça va être long. Pour nos couleurs, hein, ça. C'est clair. Ça. Puis la bière est pas chère à Prague, ça va. À Prague, je crois même qu'il y a des pompes à essence, mais version bière. Il y a des. Surtout à Prague, il y a des bars où t'as des compètes, en fait, par table. T'as un compteur, t'as un truc. Ouais, puis faut picoler plus. C'est la folie. La bière, c'est clairement de l'eau. Merci beaucoup, Franck. On te souhaite une bonne. Merci pour l'invitation. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci, moi aussi. Salut, bonne soirée, Franck. Bonne soirée. À vous, merci. Ciao. On va. Oui. Moi, j'ai deux choses à dire. Donc, déjà, pour féliciter Journain 33 qui, comme ils viennent de le mettre sur les réseaux sociaux, alors cet été, ils ont battu tous leurs records. Alors, il marche le micro, mais le tripode pas trop quand même. C'est vrai. Là, c'est bon. Donc, ils ont battu tous leurs records au niveau des vues, de tout ça. Donc, félicitations à eux. Bravo à G33 et bravo à toute l'équipe qui bosse entre parenthèses. Alors, les seuls que je connais, moi, c'est Julien, Thibault et Emeric, mais il y en a plein d'autres. Donc, bravo à vous, félicitations, et c'est aussi en partie grâce à ça qu'on alimente nos émissions. Et aussi une petite pensée pour Yo Mavuba qui annonce sa fin de carrière. Eh ben justement, allez, petite. Petite interlude, le temps que. Tant que l'auditeur arrive. Temps qu'on récupère l'auditeur. Au téléphone, donc oui, Rio Mavuba qui a annoncé ce soir chez l'ami du gars qu'il mettait un terme à sa carrière. Je tiens à remercier les éducateurs qui m'ont accompagné dès mon plus jeune âge, mes coachs qui m'ont fait confiance et m'ont permis de leur rendre, mes coéquipiers, le staff et surtout ma famille. Ma carrière s'arrête, mais pas ma vie. J'espère vous revoir très vite. Affectueusement, Rio. Et Rio, vous pourrez le retrouver donc sur les antennes, visiblement, d'RMC, RMC Sport, BFM, BFM TV, enfin tout ce qui appartient au groupe RMC. Il va commenter les matchs, il va faire tout ça. On m'a toujours dit que pour avoir de la chance, il fallait travailler aussi. J'ai retroussé les manches, animé par une forte passion qui m'aura permis de parcourir ce beau chemin qui a commencé à Bordeaux avec la Coupe de la Ligue en 2007. Villarreal, puis le doublé championnat Coupe de France avec le LOSC en 2011. J'ai également la chance de pouvoir réaliser l'un de mes plus grands rêves, participer à une Coupe du Monde. 40 ans après mon papa au Brésil en 2014, pour finir en République. Il était au Brésil en 2014 Oui. Dans le bus. Non, ça c'était là. C'était au Brésil, c'est vrai. Ouais, mais c'est dans le bus. Je savais pas. Et la Coupe du Monde 2014. Ouais. Et à noter que dans 2 ans, il sera entraîneur. Normalement, il a un contrat des jeunes à Lille. D'accord, ok. Ok, tranquille. Souhaitons-lui bonne chance. On va continuer. Enzo, ami auditeur. On accueille Florian qui veut parler du problème du problème de gestion qu'il y a au sein du club au niveau des rotations et tout avec Bedoué, ce qui s'est passé. Salut Florian. Il veut parler aussi du mercato. Il comprend pas certaines recrues comme Caramo. Il le profil qu'il ne lui plaît pas forcément. Ah écoute, dis-nous. On est d'accord que à moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur Rennes, mais sinon non, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors Florian, c'est Florian, c'est toi qu'on a régulièrement, ouais, Florian. C'est ça, c'est toujours moi. Comment ça va, Florian? Eh bien très bien, ça pourrait aller mieux quand même. Ouais, s'il n'y avait pas un 2-0 qui serait passé par là, ça irait mieux. Ouais, un point perso, moi ça allait, j'aurais été content. Un point, ça était pas mal. Un point, tu faisais 4 points en 4 matchs, allez. Donc, on va commencer par. T'as dit quoi, Enzo? Déjà, c'est au niveau du problème de. Enfin, lui, c'est ce qu'il pense par rapport au match qu'il y a eu ce week-end. Il y a eu un problème de rotation. Alors, dis-nous. Bah, clairement, quand on a un joueur de 36 ans dans l'effectif qui fait 10 matchs en un mois. Je pense qu'il y a un problème. On a beau encenser Eric Bedoué, alors c'est très bien, c'est un mec du club, c'est pas un coach, il n'a pas choisi d'être là, il le fait pour rendre service au club, Mais quand j'entends sur des radios, je vais pas les nommer, mais que ah bah oui, Bedoué, ce serait très bien que finalement ce soit lui l'entraîneur à Bordeaux, ça stabiliserait machin chose, je me tape le cul par terre. Déjà le mec il a pas envie d'être là. Premièrement, il n'a pas envie d'être coach, hein, il l'a jamais caché. Ah ça, il s'en cache pas. Enfin, voilà, ça se voit que c'est pas son boulot. Quand il dit j'ai pas envie d'envoyer les jeunes au feu, mais si tu les envoies pas contre Rennes en Ligue 1, tu les envoies contre qui? Contre Copenhague en Europa? Ou contre le PSG? Non, là j'ai pas compris sa gestion. Maintenant, je vais pas lui jeter la pierre, hein, parce que bon, il a pas choisi d'être là encore une fois. Il fait ce qu'il peut. Mais quand on voit les 11 mêmes sur 10 matchs, mais on peut s'attendre qu'à ça en fait. Moi quand j'ai revu les premières minutes du match, j'ai de suite compris ce qui se passait et j'ai de suite compris l'issue de ce match, quoi. Je comprends même pas qu'on ait pas pris plus que 2-0 au final. C'est vrai que par rapport à ceux qui ont débuté le premier match à Venpils, il y avait peut-être de mémoire Laborde qui est parti. Bayes a joué contre même pas Strasbourg. Laborde, était sur le banc, c'était Sankaré qui était. Oui, c'est Sankaré qui était attaquant. Enfin, ouais. Je veux dire, ouais, t'as fait beaucoup tourner. Je sais pas qui veut se lancer pour réagir moi, à ce que tu dis. Déjà, c'est pour réagir à ce que tu dis, Florian. Après, je suis d'accord sur le niveau de la rotation et autres. Après, je me dis, il a quand même, enfin, c'est pas une épée de Damoclès qu'il a sur la tête, mais j'ai envie de me dire, il n'est pas entraîneur, donc il n'a pas forcément les. Enfin, lui, il est là comme. Ouais, il a ses diplômes comme ça. Oui, bien sûr. Mais voilà, pour moi, il n'a jamais eu le rôle d'entraîneur vraiment, et il est là pour sauver les meubles. Donc, même si ça ne me plaît pas forcément ses choix, je me dis qu'il n'a pas la liberté comme un vrai entraîneur pour faire ses choix vraiment, pour mettre les basiques s'il a envie de les faire jouer et autres. Mais pourquoi? Mais je sais à partir pas, du moment où t'es entraîneur. Mais bien sûr, mais tu sais très bien qu'à chaque fois. Si c'est ramé, faut qu'il pose ses couilles sur la table et qu'il dise voilà, c'est mes choix. Oui, voilà, mais bien sûr. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que Bedoué, à chaque fois qu'il a été appelé par les Girondins, c'est en étant. C'est quand il y a la sonnette d'alarme, quoi, quand il y avait des soucis. Donc, il fait confiance aux joueurs du club, les vieux de la vieille, comme on dit. Enfin, les mecs qui peuvent tenir le coup, quoi. Mais je pense que ce match-là. Est-ce que lui déjà était à fond dans ce match où j'ai l'impression que c'était comme les joueurs, c'est-à-dire que on avait ce presque le match de trop sur cette période où le vrai match c'était mercredi, même dans la gestion du groupe des joueurs et tout ça, ça a été mercredi. Après, est-ce que ça se trouve Basic n'était pas prêt, mais moi un joueur qui je me plains de ne pas le voir assez, et là il aurait pu jouer à la place de Plasil. Otavio, c'est un joueur, c'est pas. Alors, écoute, la seule fois où il a joué, c'était le match retour contre Venpils, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou Mariupol. Mariupol. Et il n'avait pas été. Non, il n'avait pas été mauvais, mais. Et en plus, c'est un joueur qui a quand même pas mal de matchs. Alors, pas forcément en Ligue 1 et encore. Donc, il aurait pu bien jouer. C'est le problème. Après, je sais même pas si Bedoué s'est embêté en faisant un compo. Il a remis les mêmes à peu près. Et puis voilà. Je pense que c'était le match où bon, on y va. On va essayer de jouer. Et puis voilà. Pour moi, Youssouf aurait dû jouer à la place de Kalou. Kalou, ouais, il est jeune, il a été bon, machin chose, c'est très bien. Mais faut pas oublier que le mec, il vient du championnat belge. C'est pas du tout le même rythme dans un match. Le mec, je pense que là, il s'est cramé. Et heureusement qu'il y a peut-être la petite période de récupération qui va lui faire du bien. Mais faut faire gaffe parce que. C'est un joueur, à mon avis, il n'a pas l'habitude du rythme des matchs de Ligue 1. La Ligue Europa, peut-être pas non plus. Je ne sais pas s'il l'a joué l'an dernier, je n'ai pas regardé l'historique de Gent, mais enfin, pour moi, il faut faire gaffe avec ces mecs-là. Et surtout, enfin, Youssouf, pour lui, c'était une occasion pour moi de se montrer un petit peu plus, parce que l'an dernier, il a montré des belles choses. Cette année, un petit peu moins. Il a été moins performant quand il est rentré, c'est vrai. Mais il faut faire souffler Kalou, il faut faire souffler un petit peu tout le monde. Plasil, ça me paraît évident. Le Rager, pour moi, il est en train de sombrer. Ça devient affreux à le voir jouer. Le mec, avant, au moins, pouvait récupérer des ballons. Aujourd'hui, c'est un fantôme. C'est fantomas, ce mec. Pour rebondir sur le deuxième point pour lequel je vous appelais, le recrutement, aujourd'hui, on avait besoin de ce milieu avec un profil un petit peu créateur, au moins qu'il sache faire des passes. Ce qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on nous prend? Yann Caramo, qui est un ailier, un poste où sur chaque aile on a une doublure. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je ne comprends pas ce recrutement. Alors on peut me dire oui c'est une occasion comme Briand, machin chose, il est arrivé, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, je suis sûr qu'on paye son salaire dans un premier temps. Et en plus, on n'a absolument pas besoin de ce profil. Qu'est-ce qu'on va faire de ce garçon-là? Voilà. Ouais, moi délier vraiment, t'as qui? T'as Camano, t'as Kalou, Non, Zaïdou, c'est pas un ailier. Et après, t'as Zaïdou et Depréville qui peuvent dépanner. Voilà, mais c'est pas des purs ailiers. Si, Depréville, il a joué souvent ailier, quand même. C'est pas... Zaïdou, ouais, tu le vois que la vitesse, c'est pas son point fort, Zaïdou, quoi. Tu le vois. Non, Zaïdou, oui. Ah, après, moi, pour revenir sur ce que tu disais, Flo, pour moi, je trouve que c'est quand même... Alors, c'était pas la chose prioritaire, on reparlera tout à l'heure, je pense, pour la mauvaise gestion des défenseurs centraux. Mais je pense que c'est quand même un recrutement intelligent, parce que c'est un prêt donc, qui n'engage à rien. Donc, on n'a pas forcément obligation de le faire jouer, on n'a pas tout ça. C'est gratuit, on va dire, à part peut-être le salaire qui doit être... même si l'Inter, je pense qu'ils doivent quand même prendre une partie. Après, on va jouer 60 matchs cette saison. Donc ça, faut pas l'oublier. En fonction de ce qu'on va faire, bien sûr, mais voilà, mais c'est-à-dire qu'on va se taper quand même une saison quand même... T'en fais au moins 45, on est sûr que t'en feras 45 plus ce 10. Mais déjà 55. Voilà, déjà 55, donc 55 matchs, il faut que t'aies de la rotation. Et après, c'est idiot, mais moi, je préfère avoir plein de joueurs derrière avec une concurrence, parce qu'un mec comme Kalou ou Kamano, on sait très bien qu'ils sont capables de faire, Kalou un peu moins parce qu'on le connaît pas encore tout à fait, mais on sait très bien qu'ils sont capables de faire 5 bons matchs et après d'être un peu dans le vide pendant 2 matchs. Donc, avoir un mec comme Karamo derrière, pour moi, ça peut apporter que du bien, parce que directement, les mecs qui sont pas au top, mais t'as un mec comme Karamo derrière qui tape à la porte, ben hop, ils ont peut-être rehaussé leur niveau. Pour moi, voilà, on a un jeune qui s'appelle Youssouf qui demande qu'à avoir du temps de jeu. Et il faut savoir que Karamo, s'il vient et qu'on fait jouer et que par chance entre guillemets il explose, mais ce joueur il n'est pas à nous et il partira à Milan. Ouais, mais c'est le risque, ça, Flo. Ça, bien sûr, c'est le risque, mais pourquoi ne pas laisser la place aux jeunes? C'est ce qu'on a reproché pendant des années à notre club aussi, hein, de faire venir des joueurs de partout et au final de ne pas voir nos jeunes. Là, on avait l'occasion avec Youssouf qui, l'an dernier, Youssouf, il fait quand même un super, super fin de championnat quand il est venu suppléer ceux qui étaient un petit peu à bout de souffle. Mais pas au même poste que... Si, à Nantes, où il avait joué... Ah oui, quand le match contre Nantes, il arrive. Après, Karamo peut jouer à droite et à gauche. Donc, Même dans l'axe. Au pire des cas, ça... voilà. Non, mais moi je pense que même avec Karamo, je pense que Zaïdou, il va jouer. Oui. Et... Après, voilà, ces joueurs-là, c'est bien beau d'avoir des ailiers doublés, voire triplés les postes, c'est très bien. Maintenant, qui va leur donner des ballons? Toi, t'aurais préféré un milieu, ce qu'on appelle un milieu créateur, une sorte de 10. Ben Arfa. Une sorte de 10, quoi. Celui qu'on nous demande que ça depuis des années. Le mec qui a été présenté à Rennes. Personne qui est capable de filer un ballon en attaque, quoi. C'est vrai que on a ce souci là, mais c'est des joueurs sans carré, même si c'est pas un 10. Et encore, si on joue dans ce 4-3-3, et c'est un schéma de jeu qu'on a depuis un an et demi, alors on est d'accord ou pas, c'est celui qui marche à peu près. Le 10, il faudra qu'il soit solide au milieu. Et c'est pas forcément facile. Hein. Par exemple, on a vu, on parlait de Grenier. Grenier, hier, était dans la meilleure disposition dans ce 4-5-1. C'est toujours le même débat sur notre schéma de jeu qui est très particulier. Ça dépendra de Ricardo, en fait. C'est ça. C'est vrai que le créateur, finalement, dans notre schéma de jeu, il faudrait presque que ça soit... Enfin, le meneur de jeu et tout ça, il faudrait presque que ça soit le 6, qui comme à Plasil, quand on a le ballon, etc. Et donc, il faudrait que Thomas Vasić soit capable... soit capable de trouver ses ouvertures et tout ça, ses transversales qui aèrent le jeu et tout. C'est ce qui nous manque. Après, dans la dernière passe, je pense que c'est des joueurs, quand on voit l'attaquant, par exemple Cornelius et tout ça, ils seront alimentés par les joueurs qui sont autour, comme Kalou et Kamano, qui sont des joueurs qui, surtout Kamano, qui repiquent souvent. Il pourrait être alimenté sur ça. Je pense que c'est sur la transition entre la défense et l'attaque et les ailiers, ou peut-être le 6. Il faut qu'il soit meilleur dans cette... Après, faut pas oublier... Oui, oui, non, c'est meilleur. Ouais. J'arrivais pas à m'en sortir. Oui, voilà. Ouais, je vois qu'il était un peu gagné. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, on a pas de 33 qui nous dit, oubliez pas quand même, et je pense qu'il a aussi un petit rond, c'est que les recrues ne seront opérationnelles. Alors lui dit un mois, et moi ça je pense que même. Alors certains, dont Kalou et Palencia montrent que voilà, ils sont prêts, ouais. Ils sont prêts très rapidement. Oui, monsieur. Et à noter, on a mis un sondage. Oui, j'ai complètement oublié, pardon. Alors, le sondage, c'était un peu vague comme question. C'était pour vous le niveau des recrues bordelaises depuis le début de saison. Et donc, il y a trois possibilités. C'est top, nul ou trop tôt pour juger. À 72%, vous avez voté trop tôt pour juger. À 16%, top. Et à 13%, nul. Donc, il y a quand même 13% qui trouvent que les mecs sont mauvais. Ouais, 13%. Alors qu'ils ont joué 4 matchs. Peut-être 13% d'aveugles. Tiens, Flo, t'aurais voté quoi, toi? Ouais. Bah, j'aurais dit trop tôt pour juger. Maintenant, de ce qu'on montre déjà Palencia et Kalou, c'est quand même, je pense que c'est quand même un recrutement à ce niveau-là qui prometteur, est on va dire. Palencia, moi je trouve qu'hier il a eu quand même vachement de mérite malgré son jeune âge. Ouais. Moi, pour moi, ça a été le top du match. Parce que de l'autre côté, il y a un certain Maxime Pouget. Va falloir lui filer une licence d'athlétisme à un moment parce que c'est pas un joueur. Ça, de ça foot, peut être compliqué. Là, je me dis que si on est malin, on fout sa balie à gauche et on règle le problème. Ouais. Parce que là, c'est max du peu que j'ai vu hier sur le quart d'heure que j'ai vu. Il prend trois bouillons, mais alors il prend pas des bouillons par Messi ou par. Enfin, je veux dire, vois le gars qu'il avait en face de lui. Ouais, après, il avait ça quand même. Ouais, wow, quand même. Vu que j'étais à Rennes, il y avait un petit monsieur à côté de moi qui m'a fait vachement rire. Palencia faisait le centre, il n'y avait personne au centre, et le mec a dit là, c'est comme ça qu'on va marquer. Et, il y avait même en... et là, et après, Pungé passe au centre, et le premier centre, je te jure, il a fait un... Je sais même pas comment il a fait. Air-centre. Ouais, il a fait un air centre, c'est parti dans les tribunes. Les mecs de Rennes l'ont applaudi, quoi. Là, tu te dis là, faut le vendre à Rennes, tu vois. Et le papier à côté de moi, il s'est levé, il applaudit ici, c'était vraiment extraordinaire. Les qualités de centre sont horribles. Ouais. Mais après, pour revenir sur Youssouf, moi, je le verrais bien en tant que numéro 10. Ouais, bah, ouais, parce qu'il est jeune, il a envie de courir. Ouais, aussi. Ouais, ça peut être tôt. Ah non, mais clairement, si. S'il faut tester, il faut tester après. Après, Vada peut jouer aussi. Ouais, Florian. Tout à l'heure, il y a un intervenant là, qui répondait, je suis désolé, j'ai pas le prénom de cette personne. Franck, non, pas l'intervenant, celui qui m'a parlé juste avant du système de jeu. C'était moi, c'était Enzo. Il me parlait de numéro 6 qui serait un petit peu créateur, mais ça veut dire que clairement, on délaisse clairement l'animation offensive à seulement 3 joueurs. Et ouais, ça, pour moi, c'est assez problématique. Enfin, parce 5 avec ça, les latéraux, mais ouais. 3 joueurs qui, devant, sont capables de se démerder, d'éliminer 3 4 joueurs sur une action. Je doute un petit peu que si Camano est capable de faire sa tête sur un ou deux matchs pas assez régulier. Kalou, je pense que ça va être pareil, il est un peu trop jeune pour montrer ça. À l'époque, on se reposait beaucoup sur Malcolm qui lui était capable de créer du jeu tout seul. Il rentrait beaucoup dans l'axe aussi. Et qui rentrait beaucoup dans l'axe, exactement. Alors que là, on a deux ailiers. On a plus ça et qui va fournir des ballons? Moi, c'est ma vraie question. Mais après, Adrien, pour terminer, parce qu'après, on a un autre auditeur au téléphone derrière. Sur l'animation offensive, c'est un collectif. Et on voit que si, c'est l'ensemble. Hein, le but qu'on met contre la Gantoise, c'est le deuxième. Le premier qu'on met contre la Gantoise ou le but qu'on met contre Toulouse. C'est l'animation offensive, elle est faite par toute l'équipe et il faut que ça soit bien rodé. Ça veut dire que c'est sûr, on associe souvent dans les équipes quand un 4-5-1 est un 10 derrière, c'est souvent le gars qui arrive en une passe, il te trouve l'attaquant et finalement ça, c'est pas un but collectif où tous les joueurs auront participé, c'est juste lui avec son génie, il aura réussi à trouver la passe. Alors nous, on n'a pas ça, c'est vrai. On a des ailiers performants, mais bon. Là, on doit travailler et est-ce qu'on a les joueurs pour le faire? Je pense que oui, vu qu'on l'a démontré déjà sur deux buts, mais il faudra le répéter plus souvent. C'est que pour être bon offensivement, il faudra que toute l'équipe s'y mette. Que ça parte des latéraux comme Palencia ou Sabali, notre milieu par un relais, une touche, etc. Enfin voilà, c'est sûr que si t'as un joueur créatif très bon, ça peut être plus facile, mais ça te condamne pas si t'as ce match. Mais il faut que ça soit un ensemble. Mais ça dépendra de Ricardo. J'ai vraiment eu l'impression de ça hier parce que si tu regardes hier. Les seules occasions qu'on se crée, ça vient de passes longues. Alors il y a une passe longue magnifique de Palencia pour le Ragger qui envoie une burne en tribune, mais derrière il y a aussi la petite passe qui part pour Camano. Elle part de loin, si je me trompe pas, cette passe. Ouais. Et j'ai l'impression que si on joue pas long, On a Cornelius qui va arriver, mais on a personne pour hier. Et le problème, c'est que quand sur des phases où t'es fatigué, où ton groupe, ton équipe marche pas bien, et où les gens se déplacent pas, hein, c'est une question de mouvement aussi. Sur l'animation, hier personne bougeait trop, même au milieu. Les ragueurs, on l'a vu plusieurs fois, ils étaient au niveau de Palantir. En fait. Et moi, j'ai exactement la même avis que toi, Flo. C'est triste, mais là, quand on voit nos seules occasions, c'est des passes longues, mais c'est normal parce qu'en fait, on passe directement de nos défenseurs à nos attaquants, ouais, parce qu'en fait, on n'a pas de relais au milieu. Au milieu, c'est que des mecs, en fait. C'est ça. Alors, pour moi, le milieu, il est top si tu joues des mecs si tu joues pareil, si tu joues des équipes comme ça, tu vois, ça c'est top parce que moi, les mecs, ils vont ratisser le ballon, ils vont pas, enfin, ils vont être là au duel. Par contre, après, t'as une contre-attaque, qui c'est qui va faire t'as que tes ailiers et tes latéraux. Mais tu peux le faire contre Toulouse, c'était pas sur une contre-attaque. Tu peux le faire. Quand tu as le match de Toulouse. Mais tu peux le faire, mais le problème encore, c'est qu'hier, notre milieu, partant de Saint-Carré, les Hagar et Plasil, il n'y a pas eu de mouvement, c'était statique. Et dans un schéma de jeu comme ça, qui demande beaucoup de mouvement, tu fais rien. D'où Basic, tu vois. Enfin, pour moi, Basic, tu vois, il est à la fois, c'est peut-être un comme on l'appelle, un milieu défensif, même si pour moi, il est pas forcément hyper, hyper défensif. Mais c'est un mec qui va pouvoir, en une passe, te créer un décalage, te faire une passe dans un intervalle. Et c'est peut-être ça qu'il faut aussi, parce qu'on n'a pas des milieux créateurs, on joue pas avec un 10. Mais si on a des milieux relayeurs qui sont capables de faire des passes comme ça, là on va avoir, tu vois, d'un relais aux attaquants et qui peut potentiellement être intéressant. Ouais, il faut des milieux qui savent casser les lignes par des passes simples. Otavio, Bachit. Efficaces. Et Otavio, effectivement, Otavio pour moi, il est censé répondre à cet appel-là, quoi, à ce besoin-là. Maintenant, c'est dommage, on l'utilise jamais, ce pauvre mec, il est arrivé du Brésil. J'espère qu'on l'utilisera plus, hein. Il n'était pas dégueulasse quand il jouait pour moi. J'ai même eu l'impression que sous Gourvenec, les seules fois où on gagnait des matchs, c'était quand Otavio était sur le terrain. Alors après, est-ce que c'est une coïncidence ou pas, j'en sais rien, mais enfin, je comprends pas. Il a été un peu sacrifié l'an dernier, mis au placard, en espérant que le nouvel entraîneur, en plus il est brésilien, bien. S'il peut nous faire venir un petit Wendel ou un petit Fernando. Messieurs, il est 21h. Merci Florian, à moins que tu aies quelque chose à rajouter dont on n'a pas parlé. Mais si... Ça va, merci. Parfait. Bonne écoute, mission, les gars, merci à vous. Avec plaisir, Florian, comme à chaque fois qu'on t'a au téléphone. Puis écoute, t'es le bienvenu, il n'y a pas de souci. Tu rappelles quand tu merci. Veux. Merci. Merci, Flo. Ciao, bonne merci. Soirée. Messieurs, on va continuer, on va changer. Hop là, deux sujets, on devrait avoir un auditeur. Oui, qu'est-ce qui se passe, messieurs? Très drôle la remarque de JCGA qui met hier c'était Static, demain ça sera Basic. Voilà, très drôle. J'ai pas compris. Ben Static. Static, Basic. Faut que ça vienne, faut que ça monte. Oh là là. Oh là là. Oui, bonne vanne, JCGA, bonne vanne. Tu peux venir à l'équipe du coup. Oui, non, bien, simple, basique, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on disait? Caras33 nous dit. Oui. Pardon. Ben, on va directement passer au sujet Ricardo. Oui, je comptais faire 2-3 petites remarques sur le chat, mais c'est pas grave. Vas-y. Non, parce que je vois Chris33 qui nous dit triste mercato. Caras33 nous dit mercato low cost. qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ce que je redéfile. 6 recrues, 3 prix, un jour libre, 2 jeunes pour 10 patates, plus les boulets qu'on peut même pas prêter. Jovanovic, Gaïd, Zvada. Voilà, tout le monde n'est pas super emballé non plus par. Les recrues. Par les recrues. Après, voilà, ça fait 3 matchs. Bah, l'an dernier, c'était très emballé. Comme on va attendre un petit peu. C'est vrai. Voilà. Je comprends que les gens se. Corlenus va sûrement faire partie des deux attaquants principaux avec Briand. Je pense que les deux vont se partager. Parce que Briand, mine de rien, en 4 matchs, tiens, bah, un but, une passe. Ouais, rapidement, avant de passer à la suite, je voulais quand même parler de ce garçon parce que. Il a marqué sur penalty, mais je trouve que le mec en 4 matchs, il s'est très très très rapidement imposé devant. Alors déjà, il y a en tant que leader technique devant. Ah mais voilà, mais c'est tout pour ça. Le penalty, celui qui prend le ballon, c'est fini quoi. C'est lui notre créateur en fait dans le jeu. Dos au but, les petites déviations sur les côtés pour tes latéraux, le jeu dans le dos de la défense. Son jeu défensif. Ouais. S'il arrive, moi je rêverais, mais ça ne se fera pas, mais je rêverais d'une attaque à deux d'un duo à deux attaquants, que ce soit Cornelius, Briand, tourne autour, quoi, ou Mendy, ouais. Cornelius, ou Mendy, Briand, ou Depréville, enfin faites ce que vous voulez, Depréville, Briand, mais mettez ce bandeau devant. Attaquants. Et je pense que ce garçon. C'est un super coup, Briand, est capable. Gratuit. Je sais bien qu'il n'y a pas réellement de cause à effet, il ne faut, pas non plus dire, mais moi ce que je vois, c'est que Guingamp est sur 4 défaites consécutive en Ligue 1 en début de saison. Mais ils ont récupéré Nolan Roux. Je vous dis pas que voilà, Thierry Briand il aurait fait 4 victoires, mais ce que je vois c'est qu'il les a tenus à bout de bras pendant 2 ans. Mais pourquoi les gens se plaignent aussi du mercato, c'est qu'ils voient la différence dans la balance financière entre les achats et les ventes. C'est ils disent il y a 30 millions, on a mis sur aucun top joueur. Voilà. Mais c'est un groupe qui est capable de jouer à 6ème place, peut-être pas plus. Et pour réagir aussi sur ce que nous disait alors Basque avec le hashtag Jaja qui nous parle aussi, quand créateur, bah comme on disait tout à l'heure, ou comme tu disais Rémi tout à l'heure, on pourrait mettre Youssouf. Voilà, ou le Ben Arfa. Ah merde, il a signé. Arrête. Pourquoi pas. Non mais arrête avec celui-là, sérieux, arrête avec ce type. Non mais je sais pas, je l'ai vu rentrer comme une star, ce mec. Je ne comprends pas, et après on prend. C'est qui au téléphone? C'est Marc. Oui, c'est Marc. Et bah après on prend Marc, voilà, puis comme ça là, lui il nous entend. Donc puis il sait qu'on fait exprès de faire traîner. Ah, du coup, qu'il y a un sujet à lancer. Et à noter aussi que notre futur adversaire en Coupe d'Europe, le Zénith, d'engager Claudio Marquisio. Ah, qui joue la Juve. Donc c'est Basque aussi qui nous a partagé ça. On verra au moins une star sur le terrain. C'est beau. Ce sera beau. Non, juste rapidement avant de prendre Marc, je sais plus ce que je voulais. Ben Arfa, voilà. Je ne comprends pas la hype autour de ce garçon, y compris qu'il y a eu à Bordeaux. Le mec, la seule bonne carrière, bonne saison pleine qu'il fait dans sa vie, c'était il y a 2 ans, à Nice. Et bon, bref, peu importe. Salut Marco! Bonsoir messieurs, vous allez bien? Bonsoir, oui. Bonsoir. Mais écoute, franchement, l'émission. Ça va, il n'y a pas un cri. C'est tranquille. Bizarrement, quand tu n'es pas là. Il n'y a pas de cri dernièrement quand j'étais là. Non, c'est vrai. Cyril n'est pas là, tu n'es pas là. C'est vrai, tu n'as pas eu de débat avec Thomas. Il n'y a pas eu de débat avec Seb pendant 20 minutes à la fin de l'émission. Mais ça va, on est bien. C'est pas ma faute. Ouais, non, puis je suis malade en plus, j'ai pas envie de m'énerver, donc ça va. Et tout gentil. Mon petit Marc, on allait parler de Ricardo, donc ça serait bien que tu partes là-dessus en fait. Non, tu voulais parler de quoi? Non, je vais vous faire un petit bisou pour les vacances, sachant que vous avez au moins tous travaillé aujourd'hui. Ah oui, t'es en vacances, escroc. Oui, du coup, raccroche. Un mec qui fait 9h, 16h, faut le savoir quand même, Marc, tous les jours au boulot. Carrière cadre, c'est ça. Non, t'as raison, c'est des vacances bien méritées. Et à noter aussi, alors que c'est Basque aussi qui nous partage ça, donc merci Basque. Merci beaucoup. Il nous partage, en fait, il y a un souci avec la sélection du Danemark, donc c'est possible que Lauragger et Cornelius restent à Bordeaux pendant la trêve. Eh ben ça serait pas plus mal pour préparer un petit peu ce qui va se passer. Ça serait bien que les deux soient là, oui, parce que Cornelius, en fait, il aura fait quoi? Un entraînement et demi avant de se barrer. En fait, il est venu, il a posé dans le casier, puis il est parti. Et on va lui dire contre Nîmes, vas-y, garçon, joue et marque. Et bon, désolé de répondre aussi tard, c'est juste que, comme on l'a dit en début d'émission, on a un problème avec la Wi-Fi, donc. Avec la 3G, la 4G, voilà. Bon Marc, donnez du réseau. Bon petit, puisque tu seras pas là vendredi et que d'ici là ça se trouve ça sera officialisé et on en parlera évidemment dans GA vendredi soir dans notre émission exceptionnelle. Évidemment, si Ricardo signe, on en parlera quand même longuement et on prendra vos réactions en direct. Ricardo, deux petites infos quand même, devrait rencontrer ses dirigeants ce soir, alors ses dirigeants de Santos à 23h heure française, donc on a encore le temps, en 2h. C'est 18h là-bas. Afin, en cas d'accord, il pourrait arriver librement au FCGB, mais dans le cas contraire, et c'est là où ça pique, ça peut faire mal, il faudra verser une indemnité au club. Alors la somme n'est pas comment dire, voilà, la somme n'est pas précisée. Mais Bordeaux devra débourser un peu s'il veut s'accorder. On va savoir faire ça. Hein ? On va savoir faire ça. Non. Ah bah de toute façon c'est pas compliqué. C'est pour l'instant apparemment c'est lui ou c'est Walou, donc. C'est lui ou c'est jardinier. À noter aussi. J'avais une autre petite info juste pour alimenter le débat. Le très probable retour de Ricardo, toujours info évidemment sur Girondin33.com. Le très probable retour de Ricardo à Bordeaux serait un choix d'M6 avant tout. C'est l'équipe qui nous apprend ça. Ça c'est pas spécialement vrai parce que les Américains avaient déjà essayé de rencontrer Ricardo avant même que Poyet soit plus là. Donc cette info, elle est à moitié vraie. Oui, c'est aussi un choix américain et je pense que c'est un consensus des deux qui, pour une fois, a été rapidement partagé par tous. C'est plus dans la mesure où il ne demandera pas 3 millions de trucs et qu'il ne veut pas rester coach longtemps. au moins le problème est vite réglé. Après, est-ce que ce sera le directeur sportif des Girondins de Bordeaux? J'en sais rien. Il va falloir que M. Varela accepte qu'un coach ait un réseau et travaille avec autre chose que le réseau de M. Varela. Et à ce sujet, donc déjà pour ce que disait Marc, oui, alors sûrement, enfin Ricardo, il devrait venir en tant qu'entraîneur, mais c'est pas forcément sûr, il pourrait venir en tant que manager. Donc, non, mais on s'en fout du titre, il a fait. C'est juste pour expliquer. Donc manager, en fait, ce serait. Alors sur les papiers, donc sur les feuilles de match, ce serait Eric Bédoué qui serait encore nommé entraîneur du club. Voilà, puisque pour précisons quand même. Peut-être s'il y a des gens qui ne le savent pas, il faut que sur la feuille de match, que ce soit de l'UEFA, de la Ligue, de ce que vous voulez, il y ait une personne qui ait ses diplômes officiels d'entraîneur. Et sachez que tous les coachs, même certains très connus, n'ont pas tous leur diplôme. Et c'est pour ça, je crois que Courbis... Je crois qu'on a vu la même chose avec Laurent Blanc. Enfin, le débat avec... c'était pareil au début. Je crois que Courbis le faisait plus. Non, mais les mecs, vous cassez pas les couilles. Celui qui coachera, qui entraînera... Qui sera, c'est Ricardo, mais sur la feuille de match... Ça sera Ricardo. Voilà. Bon, oui, voilà. Donc, il y aura une rotation. Enfin, pas une rotation, mais il y aura un petit trinôme avec Ricardo, Colter et Eric Bedway. Donc... voilà, alors vous aviez posé donc vendredi pendant l'émission le sondage, seriez-vous satisfait que Ricardo soit le prochain coach des Girondins? Donc le résultat vient juste de se terminer et vous avez voté non à 55%. Eh ben, c'est assez mitigé. Eh ben, ah bah c'est plus que mitigé, c'est même c'est presque du 50-50. Ben écoute, moi je comprends les gens parce que Cyril la semaine dernière nous vantait le retour de Ricardo. Moi les enfants, OK. Maintenant, je pars du principe que si on veut aller de l'avant, avec tout l'infini respect que j'ai pour Ricardo, en premier lieu pour sa carrière de joueur que vous n'avez pas connu et pour sa carrière d'entraîneur. Je vais te dire un truc que tu me dis, mais 10 fois par émission. Non, tu me laisses terminer. oui, mais moi j'ai besoin d'être sur RMC, ça fait 10 minutes que je suis au téléphone, j'ai pas pu en caler une. Mais non, mais ça, moi ça m'énerve. Je me dis que de tous les coachs dans le monde de libre, on était obligé d'aller chercher un mec qui a coaché chez nous il y a 15 ans, et qui a pas coaché depuis 2 ans. Qui est pas libre et putain, on pouvait pas trouver. Mais si on voulait trouver Henry, sauf que les Américains n'ont pas voulu lâcher des sous, que tu veux trouver X entraîneur, sauf qu'il n'y a personne qui veut signer à Bordeaux en ne sachant pas ce qui va se passer après. De toute façon, les mecs, le conseil est très simple. Le mercato, il était bidon. Pourquoi? Parce que pas de coach. Et qu'aucun joueur n'a voulu signer un contrat dans ce club sans savoir qui sera le prochain entraîneur. Ça, c'est pas faux, oui. Donc on a fait que des prêts. Il y en a quand même 5 qui sont venus. Oui, non, mais certes, mais on a fait sur les 5, il y a quand même 3 prêts. Hein. Après, un joueur gratuit et un joueur payé. Et il y en a qui sont venus alors qu'il y avait un coach. Donc là, c'est. Enfin, en gros, c'est on est où à Bordeaux? On sait pas, on connaît pas la présidence. Le groupe est totalement nouveau. Il y a tout à construire. Tout est à construire. Donc moi, je veux bien qu'on me cite tous les coachs. Arrivé à un moment, j'aimerais au moins avoir une garantie de quelque chose. Alors, Ricardo, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah mais il est défensif. Il est que dalle défensif. Juste que quand il est arrivé à Bordeaux en 2004 ou 2005, je ne sais plus quelle année. Il est arrivé dans la même situation qu'il va arriver cette année. Pire que ça, il avait récupéré le truc de Pavon qui avait été l'année, on avait passé avec la moitié des jeunes, et Francia Mavouba, il n'y a que des jeunes, on avait été 15e. Enfin, je vais regarder juste par curiosité l'effectif qu'il a en 2004. Vous me dites, c'est en 2004 qu'il arrive à Bordeaux? Ou 2005, je crois. Il fait 2005-2006, et après, 2006, Laurent Blanc fait... il arrive en 2005, il fait 2005-2006 et 2006-2007 en saison. Et Laurent Blanc fait 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010. L'année après le titre. Voilà. Non mais après, de toute façon, le choix est très simple. J'en ai rien à foutre que je coach défensif. De toute façon, j'ai bien vu contre Rennes qu'il va falloir remettre énormément de rigueur arriver à coacher mentalement les joueurs. Moi, ce que je me souviens, c'est que même si c'était défensif, Bordeaux, c'était difficilement franchissable. Que les mecs, pendant 38 journées, ça a été des mecs qui étaient impassables défensivement. Mais après, qu'il avait une équipe en bois pour faire des attaques construites. Ce que je vois cette année, c'est qu'il a une défense qui est, je pense, meilleure que celle à son arrivée à Bordeaux en demi et quelques. Que son attaque est meilleure. Et que lui a... Si je vous dis que l'équipe de Bordeaux de 2005, elle me fait plus rêver que celle de cette année, vous me croyez ou pas? C'est parce que tu l'as vu jouer. T'as les joueurs et t'as aussi la carrière qu'ils ont fait après, t'as tout ça. Donc, c'est dis-moi ton 11. Dis-moi franchement. Ton 11, c'est Ramé, Enrique, Beto, Jurietti, Djemali, voire Faubert. Beto. Alors, il y a que Joao, alors Afanou, si tu préfères. Non, mais Jean Fallou. Non mais même à Fallou, c'était la... Ah non, pardon, il y a Marc Planus, autant pour la moi. La défense centrale, ah bah ok, il y a Marc Planus. Enrique la Planus, centrale, après t'as Menegazzo. Non mais attends, Seb, si t'enlèves Marc Planus, il n'y a aucun joueur de ballon là-dedans. Mais je m'en fous qu'il y a des joueurs de ballon, je veux des défenseurs, je veux pas des joueurs de ballon. Non mais il n'y a aucun qui a une relance propre. Aujourd'hui, Palencia a une relance propre. Et c'est moi j'aime beaucoup Palencia et ça balise. Moi ça balise Palencia. Je trouve que c'est meilleur que Djemali. La défense centrale, si c'est Koundé et Pablo, je la considère meilleure celle que tu viens de me donner. Alors Koundé, j'ai vu qu'il est pas bon, ça change pas. Attends, t'as un milieu Menegazzo, Smisser, enfin je sais pas, Denilson, Mavuba. Oui mais passe à l'image. Et devant t'as Laslande, d'Archeville et Chamac. Oui mais Laslande, je te rappelle qu'il avançait difficilement, que d'Archeville c'était pas top, que Chamac, à part une année sous Laurent Blanc, ça a jamais été vraiment très top. C'était le début. Que Mavuba c'était sa première saison. Que oui, t'avais Smisser, Menegazzo, Smisser jouait pas sous Ricardo. Et t'avais Denilson qui avait fait une bonne saison après. Denilson, arrête, il défendait pas ni rien quoi. Mais je m'en fous qu'il défende. Quand tu prends Denilson, c'est comme quand tu prends Ronaldinho, tu le prends pas pour qu'il défende. Ah, t'avais Nico aussi l'année où il arrive. Non. Merci l'année où il arrive. C'est ah non. Il y a Miku qui... Je vous promets qu'en 2005-2006, c'est l'année d'après. Où on fait second. Donc après... Après, sur l'homme, moi je trouve qu'il a quand même des qualités. Et moi ce qui me fait très peur sur cette saison, c'est pas en soi, c'est pas le 11. C'est notre capacité à pouvoir enchaîner. Parce que j'ai vu Bordeaux contre Monaco, j'ai vu Bordeaux contre la Gantoise, j'ai vu un très très bon Bordeaux, j'ai vu Bordeaux-Rennes, j'ai même pas vu des joueurs fatigués physiquement, j'ai vu des joueurs fatigués psychologiquement. J'ai vu un Punger à la rue pendant 90 minutes, j'ai vu une défense centrale d'une équipe totale qui n'arrive pas à se placer sur des coups de pied arrêtés, je les ai vus incapables d'accélérer la machine, ni incapables de faire réellement un jeu construit, ça a été laborieux. Heureusement que Rennes, ça a fait la même deuxième mi-temps que contre Marseille. Après, le problème, c'est que c'est très difficile d'analyser Bordeaux maintenant, parce que comme Bédoué l'a dit, la préparation physique a été très très très très dense, parce que pour que Poyet dise que pendant une semaine ils avaient coupé du football, c'est qu'ils ont dû en manger, qu'il y a eu et qu'on a tapé 6 matchs de plus que tous les autres. Alors même si c'était contre des équipes de national les deux premières fois. T'es en train d'allumer le moto ou non, c'est le barbecue. Non, j'ai un chien qui est comme un con en train de jouer avec une bouteille en plastique. C'est très très con, machin. Donc après en soi, j'arrive pas à positionner l'équipe. Je sais pas comment elle est. J'ai vu l'année dernière, capable du tout et du meilleur. Je l'ai vu concerné cette année, mais totalement amorphe psychologiquement et physiquement sur certains matchs, notamment en championnat. Je veux un coach qui savent gérer des hommes, qui savent les mettre en place et qui fasse jouer l'équipe de la meilleure possible. Si faire jouer Bordeaux du meilleur possible, c'est faire une équipe défensive, et bien c'est une équipe défensive. Si c'est une équipe qui a le ballon, c'est une équipe qui a le ballon. Mais moi, ce que je me souviens, c'est que Ricardo a construit pendant 2 ans une équipe qui a des championnes de France derrière. Et qui a été en quart de finale de Ligue des Champions et quand même allé un peu plus loin si Loris ne nous avait pas cassé les couilles un certain mercredi soir. Et que l'arbitre ne nous avait pas entubé une semaine avant. Et puis on n'oublie pas son passage à Monaco quand même, parce qu'il n'a pas coaché que Bordeaux en France. Plus récemment, il a coaché à Monaco quand même. J'ai pas connu moi Monaco. Mais comment c'est à 5 quand vous déconnez? J'ai connu, mais genre j'ai pas les. Je suivais pas Monaco. Il est bon son passage à Monaco, je crois qu'il est dégueulasse. Ouais, je crois que c'est pas extraordinaire. Après vérifier, mais. Alors déjà, moi pour revenir sur ce que disait Marc, alors tout le monde critique, mais je reviens sur le fait, c'est que quand même Ricardo, c'est quand même surtout un réseau, le mec qui nous a apporté des joueurs qui nous ont fait être champions l'année d'après, enfin quelques années après. C'est un mec qui a un réseau de ouf, c'est un mec qui a aussi là, par exemple, il a été directeur sportif de Santos. Santos est quand même une des plus grosses équipes du Brésil, c'est quand même un jeu voué à l'offensif. Donc, mais on ne sait pas ce qu'il a proposé. Il n'a pas construit une équipe défensive déjà. Voilà, on ne sait pas ce qu'il a proposé. Mais après, je ne veux pas lui faire un procès d'intention avant de voir l'équipe. Cependant, l'équipe, de toute façon, n'importe quel coach qui va arriver, il fera un 4-3. Parce qu'on ne peut pas jouer autrement, à mon avis, avec les joueurs qu'on a. Ou alors, ça va être en phase de transition. Mais moi, ce que je pense surtout de Ricardo, c'est que là, cette saison, c'est une saison de transition, on va dire, parce que faire quelque chose. Oui, on peut essayer de faire quelque chose. Mais quand tu vois tout ce qui s'est passé au mercato, les embrouilles qu'il y a en interne, tout ça, il faut un mec qui connaisse la maison, il faut un mec qui soit là, qui tape du poing sur la table et qui arrive et qui dise, allez hop, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Quitte à ce qu'il reste un an et qu'au bout d'un an, à la fin de saison prochaine, on arrive et on se pose, on dit, bon voilà, on va partir sur un vrai projet. Avec un entraîneur qu'on a choisi, tout ça. Mais là, pour moi, il faut un mec comme Ricardo, même si dans le fond ça me plaît moins qu'un Henri, qu'un tout ça. Mais pour moi, je trouve ça quand même intéressant. Par contre, c'est le premier échec de GACP. Parce que quand tu fais miroiter deuxième dans la presse, avec Pedro. Ouais, mais Pedro, j'ai envie de dire, on s'enflamme tous. Ouais, voilà, mais on des joueurs pas non qui ont plus, été des cracks au Brésil et qui ont été des flops en Europe, il y en a plein. Il y a André, il y a David, enfin il y en a plein. Donc, je vais pas le mettre, mais juste Henry. La hype, Henry, et ce que ça a donné derrière, et le contexte dans lequel ça s'est passé. Le fait qu'on n'ait pas fait un transfert valide, qu'on ait perdu tous nos transferts début de saison, tous les pistes qui étaient chaudes et qui étaient prêtes. C'est quoi que t'appelles le fait qu'on n'ait pas fait un transfert valide, t'as dit ? Oui, j'entends par valide, j'ai envie de dire qu'il y aurait plus... Ah ouais, une tête d'affiche. Une tête d'affiche, moi, ça me manque vraiment à ce mercato. Mais même pas qu'une tête d'affiche. Jusqu'à un moment, quand tu en es le dernier jour du mercato à toujours chercher ton attaquant et que ton attaquant, au final, tu le fais en prêt, avec option d'achat, c'est que tu n'étais même pas capable de mettre le prix initial au départ parce que tu n'étais pas sûr de ton joueur. C'est-à-dire que le prix demandé, tu le trouvais soit trop cher pour le joueur que tu voulais, et ça va faire comme on a fait avec Braithwaite, c'est-à-dire qu'on a un joueur qu'on a plus dans un an, ou alors que tu étais d'accord pour mettre les sous si jamais le joueur est bon. Donc ça veut dire que tu as un doute. Et on a un doute sur ce joueur-là. On a pris un ailier parce que c'est... on a un ailier, mais on le perd l'année prochaine. Et pas l'aile, on le perd aussi l'année prochaine. On n'a toujours pas d'arrière-gauche parce que pour moi, ça fait 2 ans qu'on dit qu'on n'a pas d'arrière-gauche et je resterai là-dessus. Même si Pungé a fait plutôt quelques bons matchs récemment. Il a fait pour une bonne début de saison. Oui, mais ça, pour ça reste... moi, ça reste insuffisant. Ouais, c'est complet. Surtout le truc, c'est que tu dis derrière, il n'y a personne. C'est un bon remplaçant. Voilà. Mais oui, mais derrière, tu n'as personne surtout. Parce que même si Sabali peut jouer à gauche, pour moi, c'est pas ça. Après, mais pour revenir à ce que t'as un autre joueur mais qui a pas joué depuis 6 mois. C'est ça, ouais, surtout qu'il est t'as nul. Ouais, mais il est nul. Mais surtout ce que tu dis sur Palencia. Après Palencia, c'est pas idiot parce que c'est ça peut entretenir des bonnes relations avec le Barça. Et surtout à savoir que le Barça comme ouais, mais comme c'est pas idiot, mais t'achèteras jamais un joueur au Barça. Mais non, mais bien sûr, mais Palencia. Non, mais si le Barça te prête un mec, voilà, si un an sur deux le Barça te prête un mec et que ça t'apporte quelque chose à ton équipe. Et ouais, mais attends, là, je préférerais qu'on vise des contrats de 2 ans. Mais oui, non, mais regarde. Quelque chose sur lequel tu construis quelque chose. Oui, mais bien sûr, mais Marc, regarde ça, Palencia, regarde. Je sais pas si t'as suivi l'année dernière, t'as Marlon de Nice. Marlon à Nice, il a... Oui, non, mais regarde, écoute. Je vais être d'accord avec toi, c'est pour ça que je veux pas qu'on continue. Oui, c'est bien d'avoir, de pouvoir, si on peut faire un top player en prêt, on a fait Smith à l'époque, on en a fait plein. Enfin, c'est certain, ou Smith. Savio qu'on avait fait en prêt. Ah oui, mais tu vas en faire Albert Celades. Si t'en fais un ou deux tous les ans, moi ça me va. Ce que je veux dire, c'est qu'à côté, en fait, Palencia, pour l'instant, avec Calou, c'est ta meilleure recrue. Oui, bien sûr. Non, mais après, moi, ce que je voulais revenir sur ça, c'est Marlon. Marlon, je sais pas si tu vois qui c'est le mec de Nice qui a signé l'année dernière. Il était parti pour faire un prêt de deux ans à Nice. Bon, il y a eu juste des problèmes et Nice n'a pas voulu le conserver. Mais voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Si ça se passe bien, on sait très bien que Palencia, là, même s'il fait une saison top, l'année prochaine, il jouera pas au Barça. Donc, l'année prochaine, on pourra le prêter. Donc, en janvier, on peut peut-être se faire prêter Malcolm, puisque Malcolm va pas trop jouer. Ouais, il vient de se blesser. Ah mince, il s'est blessé qu'une semaine. Il s'est fait un truc assez léger. Pas méchant, après, bon, je vous laisse finir, mais si vous voulez. Bon, il reste 10 minutes, tu peux finir avec nous. Non, quand même pas. Il y a le barbecue qui chauffe. On parle. Je suis invité. Je vais pas faire le relou. Je vais pas vous monopoliser la parole. Mais juste pour conclure. En fait, ce que j'attends du coach, et peu importe le nom maintenant, c'est qu'on arrive à remettre cette équipe correctement. Un petit peu ce qu'avait commencé Payet, parce que je trouve que Payet a quand même fait, en tant que coach, un très bon travail. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est la gestion d'Eric Bédouet qui, je pense, s'est plutôt appuyé sur un esprit groupe et des certitudes, n'a pas voulu griller des joueurs qui étaient arrivés, ouais, etc. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec compliqué. Florian. Donc, c'est plutôt de se dire, je pense qu'il a eu une vision un petit peu très paternaliste de protéger les arrivés et de dire, je compte sur ceux que je connais, ça passe ou ça casse, mais on va y aller comme ça. Mais Rennes, on en parle avant, le milieu était crevé, il fallait changer. Moi, j'ai vu Plasil à la 80e même pas réussir à réaccélérer pour défendre, alors que c'est pas juste le mec qui lâche. Il va falloir concerner un centre carré qui fait un match sur deux. Il va falloir donner une régularité plus grosse à l'Oragueur ou faire en sorte que son milieu fonctionne comme lui, c'est-à-dire presse très haut. Il y a plein de choses à peaufiner, à travailler. Je trouve quand même qu'on a des bonnes choses dans cette équipe, donc il faut qu'on travaille dessus. Mais après, il va falloir arriver à gérer ce groupe, parce que enchaîner tous ces matchs-là et voir que Pungé, Koundé, quand ils ont raté des matchs, c'est parce qu'ils ont été suspendus, que Plasil a fait tous les matchs, que le Radio les a quasiment tous fait aussi, que Sankaré a quasiment fait tous les matchs, et que t'as un Basic qui a fait 40 minutes depuis le début de saison, alors qu'il est quasiment là depuis le premier match, c'est con. C'est con, Kalou, il vient de faire à peine quelques matchs, Kamano les a tous fait. Enfin, il y a des choses qu'il va falloir qu'on gère mieux. Et parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire en Coupe d'Europe. et quelque chose à assurer en championnat. Je vise pour moi la... Si on arrive à être sixième, si on se donne comme sixième l'objectif et les huitièmes en Europa League, je considérerais que pour cette saison, vu le mercato comment il était réalisé, ça serait une bonne saison. C'est tout ce que j'attends du coach. De la présence défensive, qu'on ne prenne pas des buts à la con, qu'on arrive à construire quelque chose offensivement. Et puis j'ai envie de te dire, on verra dans un an. Je ne dis même pas que c'est une saison de transition, parce que je ne sais même pas ce que les Américains vont nous faire. Moi j'ai peur que ça soit encore pire qu'M6. Ils n'ont pas l'air de vouloir mettre un copec, ils n'ont pas l'air d'avoir un copec non plus. Donc je ne suis pas du tout serein, donc on verra. Faisons la saison comme on peut la faire, du mieux possible, et on verra dans un an ce qui se passera. Et comme dirait ce grand groupe français, alors Marc, évidemment, ça ne te parlera pas, mais je pense qu'Enzo et Rémi vont avoir la référence. Inch'Allah, qui vivra verra. c'est Sniper. Voilà. et moi, j'ai juste une question. Enzo. Juste une question. Saucisse ou ventrèche? Les deux. Non, juste une question, c'est pour la transition après pour la fin d'émission, Marc. C'est juste, alors tu vas juste répondre par une des deux réponses. Je te demande pas d'argumenter. Après 4 journées, 3 points pris en Ligue 1, il faut. Alors il y a deux possibilités, patienter, ça va venir, ou paniquer. Allô? Attends, argumenter, il faut donner une réponse. Il regarde Méline, il fait alors paniquer. Non. Sans argumenter, paniquer. Paniquer, d'accord. Mmh. Ok, mais faut t'y mettre en fait. Alerte générale. Bon, t'inquiète. Non, mais tu vois, c'est ça. En fait, je suis entre les deux. C'est-à-dire que on peut pas être serein, c'est plus possible. Paniquer, ça veut rien dire pour moi parce qu'on sort d'un mois que j'ai dit qui était incompréhensible. Par contre, faut s'y mettre. Faut s'y filer. On a plus de joker, quoi. Ah oui, là, c'est sûr. On est un peu dommage. Il y aura pas tout le temps des saisons comme les dernières où c'est aussi ouvert. Oh, bonne vanne d'Adrien qui est totalement passé inaperçu. Ouais, mais non. Il y a Costil pour 6 mètres. Si, non, c'est bien. 6 mètres, Costil, oui. C'est bien. Ouais. Marc a pas compris, c'est pas grave. Allez, si, j'ai compris, mais moi, je vais dire plutôt second poteau bavard. Allez, merci. Merci, mon petit Marc. On te retrouve dans une semaine, lundi prochain. Ouais, c'est ça. Allez, bonnes vacances, amuse-toi bien. La bise, ciao mon gros. Messieurs, donc, le dernier... Oui, une vanne? Non, pas une vanne. Non, une inquiétude. Non, sur Ricardo... Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien contre Ricardo. Les toilettes, c'est là-bas. Si... Non, mais Ricardo, la vraie inquiétude, c'est bête, hein, mais il faut y penser. C'est son état de santé. C'est vrai, il a été gravement malade il n'y a pas longtemps. Et il n'y a pas longtemps, il était plus que gravement malade. Il a fait un mal cardiaque. Il n'était pas encore prêt pour reprendre. Je crois qu'il y a 2 mois, il a dit il n'était pas encore prêt. C'est sûr que coach, si tu veux un métier qui soit reposant pour ton cœur, c'est pas le meilleur compromis. Pour Pascal Duprat avec Toulouse. Non, mais t'as raison. Tu compares Pascal Duprat, c'est une daube, lui. Non, mais t'as raison. Je veux dire, pour un coach qui a 2 ou 3 ans ou 4 ans, a fait un très grave accident cardiaque. Il a failli passer quand même. Ouais, il a failli passer. C'est vrai que, alors j'espère qu'il aura un, comment on appelle ça, un accord de. Mais d'où le fait aussi. Oui, vas-y, excuse-moi. D'où le fait aussi qui est, on va dire, un trinôme à la tête du club, quoi. Au niveau du l'effectif professionnel. Pour pas le fatiguer trop non plus. Pour pas qu'ils prennent tous sur lui toute la pression ou tout le oui, j'espère, parce que franchement, comment on a dit Patrick Colter. Alors Patrick Colter, les enfants, puisque vous qui sera engagé, aucun déjà. De vous n'a connu ce joueur. Non, et c'est aussi l'adjoint de Ricardo à l'époque. Oui, mais c'est avant tout un joueur de foot. Non. Patrick Colter, faut savoir quand même qu'il a fait les 3 plus grands clubs français dans sa carrière en tant que joueur, à savoir le PSG, les Girondins et l'OM. 2 déjà, parce que Marseille c'est pas trop grand, le veuille ou pas. Et le club avec lequel il a joué le plus de matchs, de 91 à 96, c'est le Paris Saint-Germain. Il fait partie de la grande équipe, Patrick Colter on l'oublie, mais il fait partie de la grande équipe du PSG 95-96. Et oui, il n'y a pas que Neymar et Mbappé à Paris. Oui. Et il termine sa carrière à l'AS Cannes. Il a fait un an à Bordeaux, 39 matchs, un but, et donc il a joué tous les matchs, hein, puisque 39, tu peux compter les coupes et les machins. Il a fait un an à Bordeaux, 2 ans à l'OM, il a fait Paris, Bordeaux, Marseille, boum, enchaîné les 3, et avant il était à Montpellier, avant d'aller au PSG en 91. Bref, Donc pour terminer, oui, le risque, c'était quoi la question? Le problème de faut paniquer, paniquons. Est-ce qu'il faut paniquer ou est-ce qu'il faut il faut paniquons. Alors un AVC en 2011 pour Rigardo nous dit pas de 33. Alors à 61% vous avez répondu il faut patienter, ça va venir, et 39% paniquer. Moi personnellement je suis étonné de ça, tu vois, pour connaître un peu Twitter, tu vois, genre je pensais que ça allait être plutôt l'inverse. Et comment va-t-il d'ailleurs ce cher Twitter? Mais il attend l'avenue. Écoute, Twitter, on va dire que. Tu me diras qu'ils m'attendent pas, je vais être en retard. Même si en ce moment, ça a fait, on va dire, là, depuis quelques jours, ça s'est un petit peu calmé. C'est quand même agité, même si ça s'est calmé comparé au mois. Après le mercato. Alors, JCGA, quand je dis les trois plus grands clubs, parce qu'il me dit Saint-Étienne, oui, évidemment, je compte. Évidemment, quand je dis trois plus grands, oui, parmi les 5, 6 plus grands clubs français, évidemment qu'il y a Saint-Étienne, il y a Monaco. Non, je dirais pas Lyon. C'est bien. Et Nantes, avec ses 10 titres égaux, 8 titres, voilà. Je crois, Nantes. Titres. T'as autre choix, il va débarquer dans le studio. Ah bah écoute, qu'on le veuille ou pas, je suis désolé, Nantes est un club historique du football français. Ouais. Au titre que Bordeaux, ouais, mais c'est ça fait 20 ans qu'il coule, mais. Ça fait 20 ans qu'il rame. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se faire un avis, en fait, vu qu'on a l'impression d'être schizophrène. C'est qu'il y a des matchs où ça, tout va bien. En fait, c'est comme l'an dernier, il y a des matchs où tout va bien, et puis d'un seul coup. C'est comme le tweet que j'ai mis pendant le mini live tweet que j'ai fait pendant le match. C'est Bordeaux en Coupe d'Europe vs Bordeaux en Ligue 1. C'était alors Bordeaux en Coupe d'Europe, c'était pour les voisins là, le film des voisins où t'avais Zac Efron hyper musclé, hyper beau gosse, et le voisin hyper un peu gros, un peu mollasson. Mais c'était nous en Ligue 1. Putain, les références des jeunes aujourd'hui, c'est Zac Efron Bordeaux. Mais non, mais c'est juste qu'en fait j'ai retrouvé cette image en fait, et du coup je l'ai mise en fait, ça collait bien à la situation actuelle. Mais il a même fait deux AVC. Le pauvre Rouille, donc faut le ménager. 2009, paniquer franchement, il a plus de titres que c'est toujours pareil, si les gens t'es dégueulasse, allez, bon, elle est pas mal. 2010 et 2011, elle passe bien, le doublé. Coupe championnat, il a fait le losque quoi. Non, on est méchant, faut qu'on arrête la régularité, ça paye hein, tout le temps. on rigole évidemment, c'est pour rigoler, ne vous en offusquez pas, ce n'est que c'est de l'humour, certes peut-être c'est un petit peu. Qui avait fait la vanne, je crois que c'était sur un gars sur Twitter qui avait dit qu'il faut faire attention avec Ricardo quand il va voir le niveau 2 de Préville. Ça vous fait rire, ça nul, il n'y a même pas de vanne en fait. Il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de blague. Il y avait une bonne blague sur Préville aussi après. Donc on panique ou on panique pas, on va terminer quand même sur ça, il reste 3 minutes. Moi perso, je pense qu'il faut pas paniquer. Faudra attendre plus. Tu peux pas paniquer au bout de 4 journées parce que t'as perdu 3 matchs à un moment donné. Non, surtout quand on voit les résultats des adversaires. Faut arrêter. Tu pourras paniquer en décembre si t'es 18e. Et encore. Ah, lui, il panique, oui. T'as le barrage. Et encore. T'as le barrage en plus. Et encore. Ouais. Je vais vous dire que vu le niveau de la Ligue 1 depuis quelques années. Allô. Vu le niveau de la Ligue 1 depuis quelques années, même si t'es 18e en décembre, après fou l'an dernier quand on était 16 ou 17e, ouais, ça sera pas tout le temps pareil. Tu gagnes 3 matchs, il suffit que tu t'enchaînes 2-3 bons résultats, tu te retrouves 8e. Donc paniquer, paniquer, alors tu flippes. Au dernier moment, quand tu te rends compte que oulala mon Dieu, oui là faut paniquer. Mais non, ça sert à rien de paniquer trop tôt. Tu sais, ça me fait penser au. Non mais sérieux, sans déconner, oui, à la limite bon. On arrête maintenant et on c'est fini. Il reste 2 minutes, non, vous pouvez pas rester concentré 2 minutes. Pour répondre. Rémi, tu paniques ou tu paniques pas? Moi, ouais, à ce moment, alors, retrouve autre chose que panique. Parce que tu dis panique, j'ai 3 enfants non, de 8 ans dans le studio. Je peux pas me dire, t'es sérieux. Dinique, Non mais sérieux, non mais pour l'instant ça va, Gagot est derrière nous donc ça va. Oui, mais c'est ça, il y a Guingamp et aussi les autres clubs. Nantes. Vous voyez Saint-Etienne, ouais, Nantes, même Lyon, ils sont tous à peu près à 3 points. Je vais vous donner le classement, tiens, parce que j'en ai pas parlé après. Rennes et Marseille qui sont. Alors effectivement, devant, nous sommes. Oh putain, on est 19e. Effectivement, Guingamp est 20e avec 0 points, Angers 18e avec 3 points. Ils sont devant nous à un seul point, donc il n'y a pas le feu. Monaco, Amiens, Strasbourg, Nantes et Nice. Voilà. 2 points devant nous, il n'y a pas le feu, c'est Caen 12e. Et 3 points devant nous, il n'y a toujours pas le feu, c'est une victoire, c'est Lyon, Saint-Étienne, Nîmes et Reims. Et PSG, ça où? Donc t'es à une victoire de la 8e place. Bon, c'est qu'il reste que 4 journées. Je veux dire, sur un concours de circonstances, la semaine prochaine, et dans 2 semaines, tu bats Nîmes. Ce qui, si on fait le même match que face à Monaco ou face à la Gantoise. Ouais, mais quand tu les vois, ils sont pas mauvais. Hein. Ils vont nous rentrer dedans, clairement, mais à l'extérieur, je me dis, il y a peut-être moyen. On n'est pas à la Costière. Hein. On n'est pas au Costières. Non, en plus, ouais. Mais voilà, je veux dire, tu banimes sur un concours de circonstances, t'as 2-3 résultats favorables, bon, tu te replaces dans les 10. Alors, je connais pas notre calendrier. Je n'ai aucune idée de notre calendrier. On va à Guingamp aussi, à un moment. Non, Nîmes. Que en championnat. Il y a Guingamp pas très loin. Après Nîmes, tu vas à Guingamp. Ouais, c'est ça, donc tu peux enfoncer Guingamp. Tu peux enfoncer Guingamp qui, ça se trouve, sera sur 5 défaites. Tu reçois Lille. Alors, Lille, faudra se méfier parce qu'ils sont. Ils sont un peu chauds. Et après, tu vas à Reims. Allez, si on prend que les 4 prochains. Donc bon, tu peux taper Gagnon, sortir. Tu peux quand même être dans une situation pas trop trop dégueulasse, surtout sachant qu'à la prochaine journée, les enfants, Nice reçoit Rennes. Ouais. Donc les Rennais, va falloir se les enquiller. Paris reçoit Saint-Etienne, donc Saint-Etienne potentiellement. Bon, ça sent mauvais. Caen reçoit Lyon. Et franchement, je vois pas pourquoi Lyon pourrait pas perdre à Caen, vu les deux défaites qu'ils ont là en deux matchs. Vu qu'il y a Crivelli qui marque. Expliquez-moi pourquoi il y a une loi qui fait que Lyon devrait gagner à Caen. Non, il y a pas de loi. Monaco va à Toulouse. Moi, vu ce que je vois de Monaco depuis 3 semaines, voilà. Ça peut faire. Nantes reçoit Reims et Marseille reçoit Guingamp. Bon, bah je me dis peut-être si t'as 2-3 résultats qui tournent, tu balimes, tu reviens 8. Voilà. Et puis au final, t'es à 6 points en 5 matchs. Certes, ça sera pas la folie, mais il y aura pas lieu de s'affoler. Moi personnellement, je panique. Instant humour noir, nous disait Bordelaise 92. Oui, là c'était humour. Oui, c'est petit humour bien noir. Bien noir. Ouais. Big up à Lamine Sané. Et on va finir là-dessus parce qu'il est 21h31. Rappelez-vous de ce fameux match de Coupe de France que sur France c'était il y a 2-3 ans sur France 3 Aquitaine où Lamine Sané, je crois, marque contre son camp, se fait expulser. Je sais plus où c'était. Je crois qu'il fait le double dans le même match. Oui. Je me demande si c'est à Lille. Un deuxième doublé. Le commentateur de ce soir-là, je ne sais plus qui c'était. C'était pas un mec connu. À cette phrase magnifique, il dit soirée noire pour Lamine Sané. Voilà. Donc, on peut partir là-dessus. On est pas mal. Messieurs, merci à vous. Merci à Marc. Merci à Florian. Merci. On avait qui avant Florian ? Franck. Non, mais avant Florian, on a bu. C'était Franck. Franck. On en a eu que 3. Il me semblait qu'on en a eu trois. Donc, merci à eux d'être intervenus en direct. Merci à vous, messieurs. Merci aux amis du chat présents ce soir qui étaient nombreux comme d'habitude. Merci à vous. Entre autres, Pat, Chris, David, Sip, évidemment, Bordelaise, Machonneur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Ok Google. Oui. Chris, David, enfin voilà, il y avait du monde. Et aussi sur le hashtag Dirigia. Oui. Merci à Basque. Pas pu suivre. À Basque, notre formateur secret. Ouais, du coup, t'as pu le suivre. Ouais, bah, oui, au final, on a pu le suivre, j'ai réussi à me connecter. Donc, mais merci à Basque. On vous rappelle, vendredi, attention, vendredi, grosse émission. 21h, vous pouvez évidemment arriver plus tôt à 20h et vous tomberez sur nos copains de devant le match qui parleront équipe de France. Peut-être des vidéos en amont. De la radio. Ouais, le teasing qui va peut-être pas se faire. Ouais, voilà, c'est ça. Il y aura peut-être pas. T'emballes pas, garçon. T'emballes pas. Ouais. Vendredi, grosse émission, donc à partir de 21h, soyez en direct sur les. Alors évidemment, vous inquiétez pas, vendredi, on parlera évidemment, si Ricardo est nommé officiellement entraîneur des Girondins dans la semaine, de la venue de Ricardo, on aura des infos, on aura peut-être même des intervenants, peut-être des journalistes, je sais pas si Clément ou Damien. Non, c'est toujours Adrien Mathieu. Adrien Mathieu, rien, mais j'ai un pote qui s'appelle Damien Mathieu, non, j'arrive pas. Je vous non, promets, mais j'arrive on pas. Verra ça. Adrien, on essaiera peut-être d'avoir quelqu'un. De toute façon, on aura deux minimum, voire 4 invités studio pour vous parler. Est-ce qu'on a des indices ou pas? Pour vous, non. Pour vous parler de choses qui concernent la ville de Bordeaux, évidemment, mais qui, voilà, le sport à Bordeaux notamment, et le sport, même pas forcément le sport. Je ne dis rien, pas forcément le sport physique. De toute façon, on va tout vous dire. Plus d'indices. Il a lâché. On va tout vous donner de sens sur les réseaux sociaux. On vous donnera tous les détails. Voilà, ça sera notre petit rendez-vous une fois par mois pour décompresser, parler d'autres choses un peu. Alors, on parlera évidemment des Girondins. On consacrera, je pense, une heure dans cette émission. Aux Girondins, évidemment. Mais voilà, ça sera l'occasion de parler un petit peu d'autres choses, d'autres sports, peut-être même dans certaines émissions des rendez-vous musicaux, d'ailleurs on y travaille, pour vous faire découvrir peut-être un artiste local. Ça pourrait être voilà, Marc qui va chanter. Ça peut être vous si vous avez un talent, mais bon, un talent, venez pas me faire genre chante dans ma salle de bain. Quoi, ça fait quelques mois quand même que je fais de la musique classique. Bref, ouais. Avec mes fesses. Je joue du nasoflûte. Beethoven. Oui, très bon. Il est en forme ce soir. Il est bien, le petit. Bon, allez. On va se quitter là-dessus. Merci Enzo, merci Adrien, merci Rémi. Les phrases de fin. Oui, il faut y aller, mon grand. Très belle première de Gourvennec au CFC. Voilà. Je l'ai pas vu. Moi, je reste liberté pour Paul Bayes. Et moi, merci Rio Mavuba pour tout ce que t'as fait pendant ta carrière. Oui, même si maintenant cet enfoiré, il se considère lillois. Non, je déconne. J'ai toujours un super souvenir. Alors c'est à Flunch à Saint-Médard. Leclerc de Saint-Médard, je me rappelle, il y était. Alors c'était l'époque où les joueurs étaient hyper accessibles et on pouvait aller les voir facilement. Il m'a filé des frites. Et non, même pas. Il était gratuit. Non mais c'était après l'entraînement, ils étaient tous là pour, ils étaient tous mangés ensemble. Je me rappelle qu'il a toujours été super accessible et voilà. Bah, merci à lui. En tout cas, moi également, je l'ai croisé 2-3 fois que ça soit. Attends, à Carrefour Belge, mon gars, dans la galerie de Carrefour et au top, CGR, vraiment. Pour le faire quand même avec Feindouno à l'époque. Ouais. Donc ouais, toujours accessible. C'est notre époque. Voilà, un bon gars. Voilà, qui a porté les couleurs du club assez fièrement et ensuite qui allait faire sa carrière du côté de Lille. Merci à lui. On se quitte là-dessus, messieurs. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée. Une bonne semaine. C'est la rentrée. On espère que tout s'est bien passé pour vous. Une bonne soirée donc. Oui, bon, bah, allez, on va arrêter là parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Une bonne soirée, une bonne semaine et allez, Bordeaux.